Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Merci. Merci pour la Kozalawana. Merci pour la Koya. Je sais que Batwe Bele, Bazaïna Misala, Batumususu, Bautikosisa Misala, Bazozonga Bandako. Et Batum Soso Bazali déjà na Bandako. Nous avons choisi Toya na R Oyo pour nako épargner biso ba ba R Soso pour Namusala. Nako senga na bino comme d'habitude. Bo tagué Bandeko Oyo Soso Bazate, bo tagué Bango, Baya. Comme ça, tous seront là ensemble. Et merci. En passant, Batumususu, Henriette, je vais te bloquer na YouTube. Justement, c'est pour vous, Naye. Vous allez comprendre ce qui le colocomi. Tikaye, Nadesi, Bio, Tika Henriette, Azarawana, je suis venu juste pour na bango, hein, pour répondre. Ils vont comprendre que Nazali est un vrai professeur ou bien Nazali est un faux professeur. Je disais donc, Bobenga Batumsusu, Obazate, Botage Bango, des gens comme Henriette, merci beaucoup pour Nakoya. Et pour Nagoya Kolanda, un faux professeur. C'est très bien. Bah, Omso Bazate, bah, semblable de Milouvor, semblable na Henriette, bo koti sabango bah, kota na makasi. Moutakotsa ki Henriette a sali malamu. Alors, bo koti sa batum susu, bazali le kola Henriette, bah, kota. Excusez-moi, bandeko ya Facebook, Henriette azali na YouTube. Na bandi na onte, na pesi kaka mbote, a bandi faux professeur. Na ye pour na bango. Voilà. Bandeko bazali na YouTube. Na tche titre ya masolo ya lelo. Pourquoi le premier ministre va échouer? Po na nini, premier ministre ya Félix a ko échouer. Naye pona expliquer yango. Et avant tout qu'on en explication, il y a pourquoi a échoué, juste na même lancé wana. Je vais en profiter, wanezali point mususu, na répondre. Naebi ke mes amis bakoloba prof Kolanda Bangote. Vous voyez très bien que ce qui n'a d'obstacle politique, il y a qu'à répondre à Milouvorti, mais les lots, binonios, vous voyez la conception, il y a un que le monsieur Wana Azali cuisinier, monsieur Wana Azali soulard. Et heureusement, parce que ma famille biologique, mes enfants, ba peki sa ki ngai ko répondre bango te. E na yebisa ki bango soki na répondre te. Congolais avivaka na barumeur. Congolais avivaka na mensonge. Alors, soki na répondre te, na zali Congolais ba kotikala na lokuta ya famille Tshisekedi na bakolite na bango. Il faut na répondre. Vous avez remarqué que pendant 2 ans, nous avons prouvé noir sur blanc que Makambu Babandei Koloba Ezali Lukuta, Ezali mensonge. Et ce qui te Ezali ko continuer, parce que Batu Ebele Bayebite Bissot, moi personnellement, avant de venir m'impliquer dans la situation ya Congo, je me suis préparé. Nabimite, nabimi mbalamoko boye, nabandi kokota na makambo ya Congo. Non, je me suis préparé dans le sens que nakozala na face na ngai, na bato oyo bazali na ADN ya mensonge. Bato oyo babotama na lokuta, po na bango, culture na bango, identité na bango, lokuta il faut ezala. Soki lokuta ezali te, azali moto ya culture wana te. Azana identité wana te. Il faut lokuta ezala. Alors, na yebaki que je veux faire face na bato oyo, na aden na bango, na makila na bango, bazali na lokuta, molimo na lokuta. Yango esalaka ke bango bazala. Soki lokuta ezali te, bako vivre te. Alors, je me suis préparé en conséquence. Nayebi très bien que pour na koya na biloko ya boye, il faut te préparer pour na kozala na choc te. Alors, je me suis vacciné. Nazui ba vaccin. Yako faire face na bato lokuta. Bon. Lelo toye pour na lobela, je disais, pour na nini premier ministre na bango akwechoué. Et point moussous ou ezali, réponse, na bande koloba, yango na bande ko développé, je vais répondre un monsieur, nazan na droit ko répondre, ba milouvor union sauté. Mais je vais répondre un monsieur, Kombo na ye, je pense c'est Norbert Yamba, qui serait à Kinshasa. Pourquoi n'a poni na répondre ye? Parce que Monsieur Norbert Yamba a utilisé une chaîne, moko na biso ya ba chaîne ya ba lobeli mboka. Il a utilisé la chaîne de notre frère, de mon jeune frère, Fabien Kouswanika, Télé Tsangu, Tsangu TV, à partir de Kinshasa. Nalandaki yangote, bato balandaki, babengingai, bayebisingai, voilà ce monsieur, ce qu'il a dit à propos na yo. Je disais donc, pourquoi na choisir na répondre? Parce qu'il a utilisé une chaîne Oyabiso. Et je me suis dit, bon, Télé Tshangu ezali une chaîne Oyabiso, na résistance, il faut na répondre. J'ai demandé na Télé Tshangu, ce qui droit ya réponse ezali, après avoir contacté Batu Mususu na Congo, Bayebisinga oui. Droit de réponse est à la Kanaba chaîne Nabissou, mais il faut qu'on y ait baqué au Congo pour Oleka, na émission Moko, même la chaîne Nabissou à YouTube, parce qu'il faut que ça la différence, il semblerait, na y ait baqué en côté, Télé Tchango Ezali, ba section Mibale, Moko Ezali na Europe, na Belgique, et pas ya Fabien, Moko Ezali na Kinshasa. Moutou Moko a ebisinga o azam ka Télé Tchango te, il faut payer pour au même droit de réponse. Nalingaï koleke pas Fabien T. Nayebaki te keza chaîne ya Fabien. Alors, j'ai écrit à la dame au RCVA qui Monsieur Norbert Yamba, pour naïbisaye que pesangaï droit ya réponse. Namoni que la dame ne répondait pas. Na ebisi un ami au Azali na Kinshasa, a ebisinga soki omoni azo répondre te, parce que au Congo, droit de réponse, bon, koleka na chaîne, il faut payer. Na tindeli dame oyo message, on m'a dit que pa na bino na Congo, pour koleka na chaîne, il faut payer. Yebisangai combien? Et date nini, pesanga date. Aye kozongi selanga réponse automatiquement que oui, il faut payer 300 dollars américains. Na répondre yé, na bi oui, je suis d'accord. Na futa 300 dollars américains, na kokende plus loin. Bato oyo balanda ki meshe Norbert Yamba Yamba, e bele balandi, e bele babengi ngai. Parmi bato nyonso na ko cité bango nyonso te, na retenir 3 personnes. Na kati ya 3 personnes, ya 2 femmes. Na un monsieur qui habite, il semblerait qui Saint-So. Aebi singai prof, il faut répondre mutu oyo. Na ko souhaite soki ou répondre ye, ngai nazala, je viendrai avec ma sœur. Parce que monsieur Norbert Yamba Yamba a abusé ma sœur. Je me suis dit, bon, ça va, on va voir ça. Le dame moussousou ou ba contacté nga parmi batou m'ont relaté la même histoire de monsieur Norbert Yamba Yamba. Na ebi si responsable ya télé Tchangu Kinshasa, Nabi bon, j'accepte. Na futa yo $300 ndengo sengi ya droit de réponse. Mais na ko kende musika ya $300. Na ko futa $300 ya droit de réponse. En plus ya $300 ya droit de réponse, na ko bakisa $200 pour na transport na bino. Pourquoi transport na bino na yo? Parce que je souhaite que droit de réponse nangai ezala deux groupes ngai moko esika nazali ozinga na ligne et puis physiquement trois congolais donc deux femmes et un monsieur et un enfant de 4 ou 5 ans en plus de ça un coréen Oyo avandi na Kinshasa qui parle Lingala, a debriaka Lingala, qui parle un peu français, un coréen qui est un opérateur économique, azali représentant d'une grande société coréenne. Je lui ai proposé andimi azala na plateau wana. Alors condition ezali pour la sécurité ya bato oyo, j'ai demandé na télé Tchango Kinshasa. Que droit de réponse ya batu oyo na komema ba na Kinshasa ba ya physiquement na plateau émission et salement na hôtel nangai ya des histoires auto lobakate mais à un certain moment il faut que lobayango j'ai demandé na télé Tchangu batu wana bakende na hôtel nangai j'ai demandé na réception ba bongisa salle moko J'ai demandé na batwana nyonso bazala wana sécurité na bango kozala et télé tsango a se déplacé a kenen hôtel nangai au ezali na limité soit le minibus ya hôtel e kenen kozwa bango a même bango na hôtel pe bazongisa bango mais transport $200 je vais les donner plus $300 ya droit de réponse Télé Tchango Bandimi, to sala yango, et tikali siko date. Après discussion na bandekwe bele, to zali kota la sécurité d'abord ya hôtel nangai, parce que batu ba yebite keza hôtel nangai, ezali hôtel nangai, les documents ezali na kombo nangai, parcelle ezali yangai, Gamo ko na tongi yango jusque na ba 4 niveaux en ezali et je pense que balobi ezali état de droit sécurité ya ba personnel nangai na ba client nangai ezala menacé té alors na ko senga na télé changu bala ki sa image ya combo ya hôtel té bien que bako bongisa sale pona bango pour que bazala wana donc c'est un marché conclu on n'en peut rien na kokota na détail sikoyo avant na kota na détail to lingaka mingi ko pesa moi bactualité bande ko mingi même nazali koloba ke na tika ko salisa ba congolais Na lobaki teke na tika ko salisa ba milovore. na lobaki na tika ko salisa ba kongole po na nini parce que ba milouvor oyo na salisa bango nyonso ba yaka toujours avec une fausse identité d'abord une fausse présentation d'abord que tozali ba milouvor te même si bazali ba milouvor ba roya ko yebisa yo que to supporta ka Félix te na tango salisi bango bazui mukanda bazui gain de cause automatiquement bazali ko tourner contre yo parce que makila tribal e gangaka toujours yango na lobaki pona ko éviter biloko na te bato ba kosaka ngai ke tozali ba milouvor te tango salisi bango ba tourner contre yo. J'ai dit na ko salisa suba kongole te en général mais batu bazali ko ya toujours nazo mituna nazo comprendre te pourquoi merci beaucoup nazo mona ba conseil bozo pe sa pona hotel je vois nazo mona to discuter ango après alors lelo na ye ndenge na lobi ba point wana nyonso mibale ya liboso ezali ya liboso ezali bon en ordre de temps point moko ezali ministre premier ministre Nabino ko échoué deuxième point ezali ko répondre na monsieur Norbert Yamba na banda na ko répondre monsieur Norbert Yamba na yeba ki ete na tikale ko landa ye ata mokolo moko te ni tete video oyo bandeko batinde lingai. Monsieur Norbert Yamba a réagi, semble-t-il. Aleki na télé Tchangu po a expliqué que Félix Azali, le président oyo ba Congolais babandei kozela, Félix Azali, le président o a ko répondre na ba besoin ya ba Congolais o tobandei ko luka banda époque coloniale Félix Azali mutu o ya roya na ba réponse wana nyonso et le premier ministre ya Félix o a nommé monsieur Sama Azali premier ministre idéal pour na biso ba Congolais en expliquant makambo bandei ko expliquer aye ko zwa exemple na ngai alobi batwe belé nazo comprendre te pourquoi bazali contre le premier ministre ayeko loba exemple ya un monsieur nazo répéter ce qu'il a dit exemple ya un monsieur qui serait ce qui na Corée du Sud qui s'est fait passer comme professeur et pourtant azali professeur te ce qui olandiye raisonnement naye azali professeur te ce qui nazala kanabana il se contredit ce qui nazala kanabana o bazali be étudiant naye na kolongola bana na ngai na université naye na université o atangisaka journaliste ya changwa tuniye cité kombo na ye nani alobi un monsieur babenga ka kombo na ye yombi soki asita kombo na ngate na lingai ko répondre yete alors mes chers amis c'est très important bobenga ba milvor bakota celui qui connaît aussi monsieur Norbert Yamba a tagué ye akota c'est bien. Matango m'expliquer ngai que voilà ce monsieur ce qu'il a dit. Na leki na télé tango. Na ta la vidéo ango. Mutatindelinga ango na ebise na zona ta ko landa nyonso te c'est une heure. Yebisanga minute o ya lobeli a lobeli ngai. Na 40e minute je vais voir. A yebisingai na koti na tali. Mais tango na koti na télé tango ba vidéo monsieur soit kala monsieur Norbert Yamba a fait avec Télé Tchango et c'est comme si c'est un ami de Télé Tchango na ebité ce qui a foutaka mais il fait beaucoup des émissions na Télé Tchango ba présenter hier qu'azali cadre ya I2PES Na ye ko remarke video na ye mususu asala pena tele tchango. Na bandanano nandenga sitenga ye. Réponse nanga ezali na monsieur Norbert Yamba Yamba. Nous devons épargner ce pays na kobetaka maboko na kozala batamourinaire ba hypocrite ba kemander. Monsieur Norbert Yamba Yamba na video aliboso asala bon une de vidéo à sala na télé tchango. Azali kopes exemple ya développement na monde. A cité ba pays mingi na développement ya monde. Na kati ya ba pays monsieur Norbert Yamba Yamba a cité na télé tchango. Aye ko cité la Chine. Aye ko cité la Corée du Sud. Monsieur Yamba Yamba reconnaît que la Corée du Sud est un pays où est sérieux parmi les pays du monde. Corée du Sud est un PIB qui a été biso ba Congolais vers les années 70. Mais lelo Corée du Sud est un PIB qui a à peu près ba 1000 milliards ya dollars américains. Monsieur Norbert Yamba Yamba na vidéo na ye Nathalie alobi azali un expert na développement. Atangi azali doctorant ba doctorant mi bala lobaki. Moto moko azala ba doctorant mi balete. Doctorant ezali titre te. Doctorant elingi koloba étudiant. Moto moko ayebi nanu te. Soki okosilisa biyo okosilisa te. Doctorant ezali titre te ya kointimide ba Congolais. Doctorant elingi koloba étudiant. Étudiant o alingi kozwa titre ya docteur. Monsieur Yamba Yamba dit azali na ba master ebele. C'est bien bon. Ezali biloko ngai na lingaka. Ezali biloko ngai na pousaka ba Congolais soki bavani na diaspora ba profiter. Batanga. Na tango monsieur Norbert Yamba Yamba dit azali kokumisa Corée du Sud. Ou ezalaki na niveau même inférieur ya Congo vers les années 70. Voilà Corée du Sud na niveau ekomi lelo. Monsieur Norbert Yamba Yamba, qui se dit être expert na développement, azali ko bosa na ke pays e développa ka ndenge nini. Mboka o atangi Chine populaire, mboka o atangi Corée du Sud, so ki e développé ndenge ezali, batu ba contribuer. Parmi batuba contribuer na développement en mboka wana, ya ba mboka wana toloba, ezali ba professeur d'université aussi, ba université. Alobi Corée ezali sérieux. Mais comment expliquer Corée ou ezali sérieux, ndenga lobi yango, akosite. Et kende ko engager dans une université, ou bien na ba université na bango, quelqu'un qui ne mérite pas d'être professeur. Wana ezali première contradiction. Deuxième problème. Monsieur Norbert Yamba Yamba alobi azali doctorant, azali expert na développement. Avant d'attaquer une personne, il faut que luka ko yeba mutu wana. C'est ce que je condamne na bato na biso ba milovor na bato o bazali ko supporter famille Tshisekedi. Vous allez voir quelqu'un qui est passé na université. Intelligent, soki olandi réflexion na ye, azali intelligent. Mais dès que moto wana koti na famille Tshisekedi, soit biologique ou bien politique, moto wana komi idiot. Moi, je pense que si réellement, nazali ko tchango na doute te, nandimi que M. Norbert Yambayamba azali doctorant. Mais nako pesa ye conseil. Un étudiant doctorant, avant oya, koloba sur une personne, lukana no oyeba mutuana azali nani. Konukate oyeba par les ondi okende na limete 10e rayi, baye bisayo mutuana azali nani, vous passez à la télé, vous passez na chaîne, pour na korelate juste ce que baye bisayo. Monsieur Norbert devrait d'abord chercher qui je suis. Mais n'a quoi aider. Monsieur Norbert, soki azali expert na développement, ayeba ke Kore ezali pays oyo éprouvé na monde na développement. Et si kan azali professeur, babengi yango Tshonam National University. Ezali la première université réputée na Asie, na Pacifique, na formation ya ba agent ya développement. La première université na lobby o ezali spécialisée, réputée, renommée en matière ya formation ya ba agent ya ba développement mingi soki to lobi développement parce que na kokota na ba global compact te développement ezali ko lier mingi à part ba gouvernement oyo bazali ko sécher mission na bango ko développer ba pays ezali ba privé et quand on parle de privé on parle ya ba ONG. Monsieur Norbert Yambayamba devrait d'abord chercher que je suis un expert ya développement, un expert ya ONG avec master nango et en plus de ça nazali professeur d'université parmi bakou tozo tangisa ya ba étudiant ya master na ya doctorat. Le kola ye, M. Yambayamba, ba collègue na ye, ba doctorant, na zotangi sabango, ba cour ya développement, ba cour ya ONG. Na niveau ya master, tozali kope sa introduction ya ONG. En général. Na niveau ya doctorat, tozali kope sa cour ya risk management. Pour na ba agent ya développement. C'est-à-dire, M. Norbert Yambayamba, me doit dire respect parce que nazali professeur ya ba collègue na yebe étudiant. M. Norbert Yambayamba a attaqué ngai pourquoi? Parce que na lobaki premier ministre a échoué. Avant la côte à la point wana, M. Norbert dira quelque part que a voyagé mingi na Asie, na Europe, na Amérique, et si ka komate zalika na Océanie, c'est bien, c'est très bien. Il a travaillé na organisation, soi-disant, organisation à ba Belge, il a travaillé pour eux na Congo, azala ki représentant na bango na Congo. M. Norbert Yambayamba a oublié Aluka, Ayeba. Le monsieur Azali ko minimisé. a été président, il y a organisation, la première grande organisation de réfugiés. Il y a protection, il y a bas réfugiés. O ezali na kati, ba ONG, lokola oyo monsieur Yamba Yamba bandeko sala. Moi, j'ai dirigé au moins na kati organisation internationale wana, 370 organisations na kati. Ba bengi yango Asia Pacific Refugee Rights Network. Nazali premier noir oyo azwi position wana. Nazui yango nakobonde la te par élection à deux reprises élu président nango. Na bandaki président au niveau sous-régional, c'est-à-dire président yaba ONG, ya Corée, ya Japon, ya Chine, ya Hong Kong, ya Taïwan, ya Mongolie, une partie de la Russie. Nazalaki président nango. Élu en 2000. 10, Tina 2012. Nalongwe, président sous-régional, ba voté ngai vice-président de l'Organisation mondiale Nyoso. Na 2014, ba yeko voté ngai li sous mandat isali à 10 ans, ba yeko voté ngai li sous président nango na 2016 jusqu'en 2019. Monsieur Norbert devrait d'abord pour la honnêteté scientifique, devrait d'abord chercher qui est le monsieur. Monsieur Norbert a lobby, ce qui monsieur Yombi a zali ko loba. Et zali pour a maintenir azali réfugié, à maintenir Mukanda na ye, sinon te bako zongi sa ye na Congo. Et si ka na yokeli mboka na ngayi mawa. Et si ka na yokeli Tshisekedi et si ka koufa. Trouble à son âme, na yoke liye mawa. Monsieur Norbert dit Azali expert na développement. Moutou soke Azali expert na développement, il faut yeba. Notion ya droit de l'homme. Soke moutou yebi notion ya droit de l'homme, il faut yeba. Ba différents statuts à ba réfugiés. Ben, évolution, il y a différents statuts à bas réfugiés. Oui, Nazali, Moutou Aouti, na background, il y a bas réfugiés. Mais M. Norbert Yamba Yamba, je pense que ce qui a lingi, na koki ko louke la ye bourse à Tanga. A continuer. Na ebite ba doctorat na ya salaka na Congo. Soka salaka na Congo, je regrette. Je regrette. Un réfugié, toloba un demandeur d'asile, soki mouta kei quelque part, a boa ki ngunda na terre na biso ndenge tolobaka. Azali demandeur d'asile, statut na ye ezali na risque keba keba. So ki bandimi ye, ngunda na ye, ok. So ki babouye na ngunda na ye, riske zali, vi na ye zala na peril. So ki ba pesio mukanda ya refije. Je pense que statu ya convention ya Genève, na protocole nango, ezali mingite, M. Norbert devrait lire d'abord. Et lobby moutou soki azali na mokanda refije bako yi ko zongi sa yete sans volonté na ye. Batu bazongi sa ka sans volonté na bango, ezali demandeur d'asile soki a échoué bako yi ko tchaye na avion bazongi si ye. Ezali moutou azali na statut humanitaire, c'est-à-dire ou boki ngunda, ba moni ki en tout cas ozali vraiment refije te, bako reconnaître yo en tant que refije te, mais na mboka na yo outa ya un problème, ou bien ozali ko bela. Moye bazongi sa yo erwanezate, bako pe sa yo un statut humanitaire, c'est-à-dire que en attendant situation aux anango, et si là, après bazongi sa yo, waneza statut moko ya keba keba. Mais moutou soki a zui statut à refige, moutou wana, bako yiko zongi sa ye jamais, na mboka wa outa sans volonté na ye. À moins que, n'y sa clause, même ce que tu as dit, pacte mondial sur les réfugiés, où il y a M. Norbert, yamba, ce cas Zali Mouta Développement, a yebi que j'ai été, ce que tu as dit, liste, wana na Zali, batou, ba discuter, en gros, bande, bande, liti, souka, ba yeko voter loi, wana. M. Norbert, yamba, wana monite. Une question na koiko tuna. Monsieur Norbert Yambayamba Ayeba. Alobi atambula na bambo kebele na mokili. Ayebi très bien que Azali Congolais, soit Azali moutou ya pays moussous, avant de voyager, vous avez besoin ya visa. Batu o bayebi Monsieur Norbert Yambayamba, bayebi sa ye, batu na ye, a cité, a pe sabino, kombo ya réfugié moko, mi balete kaka moko. Oyo ya yebi na monde. Un réfugié. Na lobi bien. Un réfugié na monde. Oyo lelo ako yuko kende na aéroport nyon so ya monde a koti, a sombi tiki a koti sans visa. Ako zwa visa na ye na aéroport ya mboka wana. Atange langa kombo ya réfugié wana. Soki atange li bino, avec ba kache ya immigration. Le lendemain, nazali kome pendre. Monsieur Norbert Yambayamba devrait se demander, parce qu'il n'a pas vérifié. Oyo réfugié ya ndenge nini, o azali ko bondela, il faut aloba, il faut alobe la Félix, il faut critiquer Félix pour a maintenir ko vanda na ye na Corée. Mais réfugié oyo bozali ko retrouver ye na New York, na ba réunion stratégique ya ONU. Réfugié o alongwa ka Corée ndenge nini akende na New York. Réfugié Oyo Azali consultant na au commissariat pour les réfugiés na Genève. Oyo réfugié atangelanga komba réfugié moko mi balete. Bazali na bato de pes bazali na Corée. Monsieur Yambayamba aluka bato de pes ya Corée. Batangela ye kombo ya réfugié moko mi balete moko qui peut prendre l'avion à n'importe quelle heure. Ce qui place les Ali, accueilli na New York, na États-Unis. Parce que bamboka o ezali compliqué na batu ya visa. Ezali ba européen, ezali États-Unis, ezali Canada, ezali Australie, ezali Nouvelle-Zélande, ezali Japon, ezali donc ba pays ya G7 na ba pays ya G20. Ba visa na bango ezali compliqué. Mais ça, c'est quel réfugié, Oyo, il faut finga Félix pour a maintenir ko vanda na ye. Mais a kei ko tamboula, na ville, il prend un coup de téléphone, na États-Unis na New York, que lobby fosa la na New York awa. Ces réfugiés, kakandenga azala ki wana na passeport na ye, a kei na aéroport, a zui avion a komi na New York. Et loko tozali ko senga, Monsieur Yambayamba, je pense que na ko landaye, nazali mutwayi depeste, nazali tshisekediste te, nazali minovorte. Monsieur Yambayamba est intelligent. Ça c'est vrai. Mais un intellectuel malhonnête, escroc, flatteur, un intellectuel flatteur escroc. Pourquoi M. Yambayamba est sorti? Pour attirer attention peut-être Moutoumoko a récupéré na cabinet moko chaye. Mais M. Yambayamba zali ko bosana ke M. Yombi aza flatteur te. Je peux comprendre batouya limete o batele makanase a banzete. Mais quand vous vous dites aux Ali Naba Master 20, quand vous vous dites aux Ali étudiants doctorants, M. Yambayamba, un peu du respect. Un peu du respect. Honnêteté, Zala. Félix a récupéré yote ba pesa yo poste, ou bien ministre moka pesa yo poste, pour n'a ko dénigrer bato. Non! Zala honnête. Zala honnête. Loban maintenant, ngai na position monsieur Yombi ezali ndenge mon côté na zo partager position na yete. Mais c'est vrai monsieur Yombi est professeur parce que na tango lobi ki ceux qui osaient na bana bazali be étudiant nango olongola bango. C'est vrai okolongola bango. Vous allez retirer vos enfants, ceux qui n'ont pas de professeur na bango na Corée. Vous savez pourquoi? Parce que vos enfants sont habitués à l'université de Kinshasa, à l'IEC, à l'université de Lubumbashi, de corrompre pour à passer classe. Alors, ce que yoki que votre enfant azali étudiant nanga ou étudiante nangaï, vous allez le retirer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que tiki semestre ici là, bakozoba F renvoyé. Voilà pourquoi au lobby qu'il faut longola bango, parce que vous vantez la Corée. Soki otali na kotia yango na Facebook nangai, soki botali comment est-ce que le gouvernement coréen me représente. Nako commenter mingi te na photo na kotia yango na Facebook nangai. Ezali slide ya PPT présentation. Ya gouvernement coréen. Au moment où on a photo nangai, bâti photo d'un savant. Ba lobi tozo comparé yete kazali savant, mais c'est un monsieur qui a beaucoup contribué na développement ya mboka na biso. Quelqu'un qui contribue na développement ya mboka Corée. Oyo yo zali ko vante, yo moko ce n'est pas moi, yo moko oyé na vidéo. Au lobi ke en tout cas bota la Corée du Sud ndenge développé. Et M. Yombi est parmi les gens qui contribuent au développement de la Corée. Toi, un monsieur qui est à Kinshasa, banana yo bazali ko galérer pour akende na université d'abord tiki ezate, aso comme une université à Toki, pour enrichir, excusez-moi, banana yo bazali banana ngai. Oya basi po ba réussir, o yebi tendeng ne bazo réussir, bazo réussir parce que to yebi. Comment est-ce que banana biso ya basi ba pasaka ba classe na Congo? Na lui bangonyo sauté mais toi bien en général. Cher monsieur, tu vas comparer avec moi. Oyo nazali ko tangisa na mboka o zali ko vanté. Mais non, il faut que vous allez honnête. Il faut que vous allez honnête. Je vous dirai ce qui Félix na bato Félix bazo landangai. Batuloko la Norbert yamba yamba. Ezali batakope sa ta mwa position ata ya mokete. Parce que bazali ba hypocrite, ba flatter, ba tambourinaire. Batu oyo na zolo ba à tout moment. Félix a échoué. Ngam na lobite ye moko moutwa lobi yango. Na discours na ye ya 6 minutes. Qu'il a échoué. Ce qui a échoué. Batu ba ferie échoué ezali batu lokola ba Norbert yamba yamba. O bazali koyebi sa ye vérité te. Ça ne va pas. Norbert yamba yamba di azali na ONG na Kisenso. Est-ce que Norbert yamba yamba peut me dire aujourd'hui akoki koleka na video place aleka ki na télé tchango. Ayebi sa ba Kongole. Na Kisenso esika azana ONG na ye. Ba na Kisenso bazali komela mai. Toke na Kongo mobimba te. Bana Kisenso esika azali na ONG na ye, bazali komela mai. Chaque ndako na Kisenso ezali na robinet ya mai. Il faut avoir la honte, monsieur. Faut que zana soni ekoyokela peuple congolais mawa. Pardon, faut que yokela peuple congolais mawa. Na zui Congo mobimba te, kaka Kisenso esika lobi ozali na ONG na yo. Ben, école à Kisenso est allée dégainer. Il y a des écoles publiques. Ben, à Kisenso est allée comme la maille. Ben, à Kisenso est allée déplacer rapidement dans le centre-ville, dans l'aéroport, dans l'Aliéma. Ben, à Kisenso est allée hôpital est allée combien? Mon cher ami, ce que vous allez expert dans le développement, na ko senga na yo o se taire. Il faut se taire. Monsieur Félix, Nayebi très bien que Alingaka batu loko la ba Norbert Yamba Yamba. Balobi Norbert Yamba Yamba azali mutu ya IDPS. Le développement humain na kati ya IDPS. Ye, monsieur Yamba Yamba vous dit, azali expert, azali na 20 masters, il semblerait, azali doctorant, azali expert na développement. Le développement humain ya IDPS. Il n'a pas réussi à co-développer l'homme. Ressources humaines, il y a IDPS. Quand vous voyez Batu, il y a IDPS, les lots congolais n'y ont soubimi sa micro na yo, ça la sondage. Expert en développement, il faut aller Batu, ça la sondage. Ça la sondage, tout na moutou n'y ont so apesa yo avis na ye sur le comportement ya Batu, il y a IDPS. Congolais n'y ont sa ko seka. Mais na kate IDPS, voilà, on découvre, il y a un expert avec des doctorants, il y a le biazana des doctorants, ils ont la kate, ils ont l'étudiant, ils ont l'étudiant doctorat, c'est vrai. Ils ont l'étudiant master, ils ont l'étudiant IDPS, expert dans le développement, vous n'arrivez pas à développer l'IDPS. Mon cher ami, vous avez l'étudiant IDPS, moi, je me suis développé. J'ai contribué au développement de la Corée. Chaque semestre, vous avez été à l'école, aux alliés étudiants doctorants, au Yébi, na Libanda, na diaspora, na Europe, na Amérique, na Asie. Au Yébi, ndengenine batalaka, ko sonde un bon professeur. Un bon professeur, ba ye bakaye, na ebandelia semestre. Ce que professeur a étudiant va s'inscrire et belé na cour na ye, c'est un bon professeur. Mon cher ami, na université na tangeli yo wana moko nan. Nazali directeur académique ya département ya ONG. Nazali, directeur académique à département ONG. Excusez-moi, le genre de Facebook, vous avez dit que la binote, nazota la caméra ya YouTube, parce que na koyiko kabola mutute, na koma mitumi balé, pour nata la binote, nazota la na écran, pardon, na caméra ya YouTube. Ya on a ebisa kabino, bolon wana Facebook, boya na chaîne na biso, poto solo la kaka na caméra moko. Mon cher ami, programme, Nazali directeur. Il y a département, il y a ONG. Il y a université où ils allaient répéter la formation. Il y a expert, il y a développement. À part qu'on a la professeur na bango. Na katikuna na tangisaka nini na département oyo. Na département ou université oyo na tangisaka na master na doctorat. Na tangi sakabakuru nini? Droit de l'homme. Notez, monsieur Norbert, droit de l'homme. Migrant forcé. ONG. Risk management. Bakuru anion so 4 na niveau ya master na doctorat. Monsieur Norbert, na ko senga na yo leka na Facebook na biso. Be étudiant na ngai oyo basilisa. Bazali na Facebook na ngai. Okomona ba kombo na bango. Komela bango inbox oyeba. Soit soko zali na tante monsieur Norbert. Comme vous êtes de l'UDPS, passez à la présidence. Passez à votre présidence et pas à Félix. Va chercher les conseillers, la conseillère principale, il y a Félix qui s'appelle Madame Chantal Yelou. Alimbi sanga ici kazali na cité Kombonaye. Kende ko monaye. Tunaye. Okenda ki na Corée du Sud. Makambuni nyo yoki oyoka kipo na meshe yombi ko banda aéroport na hotel esiko kendaki ti esika na conférence okendaki oyoka ki nini pona meshe yombi soki okutani na madame Chantal Yeloté kende koluka ba conseiller ya Félix ya INC tuna ba conseiller ya Félix ya INC banani bakendaki na Corée du Sud tuna bango na tango bokomaki na Corée du Sud soki bazali honnête mais pour madame Chantal soki a nié yango na ko bimisa tout ce qu'elle m'a écrit audio ezali be écrit ezali elle me dit elle-même azali conseiller ya Félix en matière ya femme ou bien ya droit de l'homme na yebite ye moko a yebisi ngai toza boposa politique mais en tout cas makambo na moni na kore na yoki na kore na kokanga yango te funa yebisa yo bravo mon frère akoma na aéroport ya Séoul agent immigration ou agent passeport na yata la Congo atunio oh Congo oyebi meshe yombi abi oui na yebi ah oui c'est meshe azali moto azo sala honneur ya ba na biso awa na kore il est professeur lokolo ye luka okutana na ye madame Chantal akende na hotel esika azalaki na reception même son akende sika bayambaki na conférence ava ba présenter ye voilà madame azali conseiller ya président Corée mboka ya yombi monsieur Norbert ngai nazali opposant na bino mais na koyi ko nier jamais intelligence na yo na ko nier yango te na ko nier jamais soki na yebi que vous avez fait quelque chose de bon pour ce monde ou pour le Congo na ko nier yango te na ko expliquer aux alliés opposants na ngai na ko s'opposer na ba idée politique mais l'existence même la personne même ya Norbert na ko nier yango te soyez honnête. Alors, pour nous aussi avec monsieur Norbert, na koyebi saye que ayeba nazali professeur na ye. Parce que batu o nazo tangisa azali doctorant, nazo tangisa ba collègue na ye, il me doit du respect. Monsieur Norbert koyiko attaquer ngaité parce que moi je ne le représente pas. Il n'a pas le droit de m'attaquer. Mais moi j'ai le droit de critiquer Félix. Nazali na droit constitutionnel, nazali na droit international, yako critiquer régime ya mboka na ngai, nazali na droit. Mais monsieur Norbert azali na droit ko critiquer ngai te parce que nazo représenter yete. Soka critiquer ngai, ça devient problème personnel entre biso. Soka leka ki na bekola malamu te qu'il rentre. Soki na iba professeur na ye, na komeka ko recommander ye quelques ba ouvrages atanga. Monsieur Norbert, pour nous aussi ça, allez lire Sir Mabige. Oyo azali kolobela sur blanchiment, l'intersectionnalité. Va lire, cher étudiant, ce que tangi aussi ici revenez, na komeka ko expliquer. Et je propose na batu o bayebi monsieur Norbert yamba yamba. Ce qui a lingi Nazali na cour semaine oyote oeko yakuna je vais parler sur l'intersectionnalité alobingai na lobeli facette ya premier ministre oui soki atanga intersectionnalité te na ko regretter cet expert ya développement parce que na développement siko ya monde ezali déséquilibré. Monde est allé déséquilibré. L'hémisphère nord na hémisphère sud. Alors, batuya sud, biso batuya sud, tous allés ko luka moyen, to koma na niveau wana. Ce qui a yebi principe ou a bengi ko déshumanisé te. Na développement, je regrette. Ce qui a tanga intersectionnalité te. Na développement, parce que c'est une lutte intersectionnelle. Nakati kuna, dans l'académie, Ezali, vous allez voir le professeur, ba scientifique, ba tuba komaka, discrimination ya ba race Ezali, ya ba facette Ezali. Quand moi j'ai dit le premier ministre Azali na facette lokola batu ba uta na est ya ya pays na côté ya, ya pays où ezana est ya mboka na biso. Dans l'académie ça existe, monsieur. Ça existe. Intersectionnalité quand les académiques indexent ba noir. Au moment dans les relations internationales, développement otanga Ezali na kati ya relations internationales, monsieur. Ce que vous avez comment est-ce que Batu Oya Sud, Oyo Bazali indexé, développement est à mon boulot, Bafon est à mon boulot, Talam, Namoni, Onigène, Naki Senso, Naleli, mon cher ami, Nakoui ko financé yo. Mais est-ce que Onigène yandenge moko Oye vendi na New York, et que Zala Lokola Oya yo Naki Senso? Tozali ko lutter pour que ba fond ou ezali ya bisonyon soit par exemple Fonds monétaire international, Banque mondiale, ezala la portée de tout le monde pour le développement. Alors, monsieur Yamba Yamba, vous ne connaissez pas que na lutte ou yo intersectionnalité ezali ba facette ezali. Quand les Rwandais nous dominent, j'ai parlé à facette ya monsieur Sama, premier ministre, ya Félix, votre premier ministre. Pourquoi? Avant na lobe la facette na ye, il fallait ye ba qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit to yebi mutu oyote, il est né à Likasi ou il est né à Paris. Nga mutu na lobi yango te meshe yamba yamba. Soyez honnête. Votre présidence par monsieur Lwakamboa, il a dit publiquement que le premier ministre est né à Paris. Ezali na net. Le gouvernement dit monsieur Sama est né à Likasi. Alors, aux hommes, la confusion était au niveau de l'institution. La présidence dit qu'il est né à Paris. Le gouvernement dit qu'il est né à Likasi. Ce que tu as lié facette, c'est le collègue à Barouande. Tout le monde est là. Et vous questionnez que le professeur a le été, mais quand vous avez un PCO, combo ya hauteur, combo na ye Sirma, Bige, et quand vous avez blanchiment na intersectionnalité. Lisez et corrigez ma kambolobaki. Ça existe. Toko tasiko yo na deuxième point, pour toke neko silisa. Pourquoi le premier ministre a échoué? Awa nazali ko lobela siko yo ba kongole boyoka. Tozali na mutema mabete ya ko lobake no mutu o akwe. Ngai soki premier ministre a réussir. Ce que Félix a réussi, je pense que bako konangai bande konanga o bazali na mboka nangai bako lia malamu ba okende classe ba okende hôpital soki ba beli bande konanga ba vandi na Beni na Minembwe o ba vandi na ba Fwasende o ba vandi na Mbandaka na Kisangani na Bakongo na Kasai bako zala malamu ngai yombite mutu na kende ko beneficia ngo directement na zakunate bande kobo yo kangai. Parce que M. Norbert a lobby, bon, point na ye, si li met ozo zwakab exemple na ye, a lobby premier ministre il faut a réussir, Félix il faut a réussir, premier ministre wana a ko réussir parce que azali jeune, parce que azali moutou a sali penza te bolinga ki batou o ba sali te. Mais c'est pas vrai. Monsieur la a été ministre. So ki to lobby, Kabila a échoué. Est-ce que Kabila a été ministre ya sport? Yebi sangai, monsieur Oyo Sama, erazaki ministre ya jeunesse na sport, a mimi ba coupe combien? Ba jeune bazui misala combien? Ba jeune bazui dignité na bango combien? Na tangwa ke na Jekamine, PDG, dites-moi, progression, maximisation ya Jekamine, ezali sikanini. Quand on dit Kabila a échoué, Kabila a échoué avec tout le monde qui a contribué na gouvernement ya Kabila. Ba échoué bango nyoso. Monsieur Sama a été ministre de Kabila, Monsieur Sama a été PDG nommé par Kabila. Si Kabila a échoué, Monsieur Sama aussi a échoué. Tozana besoin jeune te, Tozana besoin, ya moto oyo, même si azali na mbula 80, mais qui n'a pas contribué na échec, ya mboka na biso. Monsieur Sama, yo salanante, na yo kanante ozali ministre, bako yoko tcha yote, pourquoi bacha Sama yote? Voyez-vous comment est-ce que vous êtes idiot? Pourquoi bacha yote? Parce que yo salanante, ozali pe jeune, maboko na yo, oyibate, na yebite, il faut vérifier, ma bende, il y a deux femmes qui veulent venir témoigner contre toi. Na moine. Pourquoi ne pas kotia yo, il faut kotia Sama. Parce que Sama, na bilan na ye, il a contribué na makambo ya Kabila. Oh là là. Bande ko ya Facebook, il y a un problème. Bo tia ba j'aime et belé, s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème. Alors, ngayi soki Sama a réussir na ko sepele nango. Pourquoi na lobby Sama ko réussir te? Na Facebook, il y a un problème. Bato Facebook, s'il vous plaît, passez na YouTube. Parce que ezo kata. Il y a un problème, Ezokata. Désolé, Ezokata. Kalabing était na Facebook. Passez na YouTube, Prof. Yombi Vision, Bokomo nanga na live. Bandeko, tikana expliqué, parce que batu lokola ba monsieur Sama, bazali batu, soki n'esprit ya ba chinois, soki n'esprit ya ba coréen, ou asita ki ke ba développa, ki toko. Batu lokola Sama na Corée, erba bandeko de ko bandeko développé. Na Chine, elle bazo bande ko développer. Batloko la Sama eza batu fou pardon. Batloko la Norbert Yamba, ezali batu fou ko pandre bango. Parce que ezali batu bazo induire population na erreur juste parce qu'a lingi poste, ba pesa ye poste. Azali ko kumisa eloko ba ko kumisa te. Budget ezali nini? Na lobaki yango na video wana. Tika na expliquer na ba congolais o ba yebite, ba ye ba budget ezali nini. Na kopes exemple ya famille. Boye ba bidje ezali nini. Bidje ezali mbongo. Ya periode moko toloba. Ya mbula moko par exemple. Ou bien ya un mois. Oyo boko salela. Misala na katia famille. Misala na katia mboka. Misala na kati ya société, misala na kati ya jeune, misala na isika nyonso na organisation nyonso. Tika na faire comprendre bino, bo comprendre budget ya l'état na famille. Yo isika ozola ndanga ndeko soko ozali papa ou bien ozali mama. Budget ezali nini? Yo kanga malamu. Ezali mbongo oyo soko zali papa na culture na biso ya Congo na Congo. Okomona ba papa ba yaka ndenge nini? Papa azwi salaire. $1,000 ya salaire. Na $1,000 ya salaire ona papa ye nango abengi mama, abengi bana oya mikolo. Ba uti kofutanga mbongo yango $1,000. Papa na mama ba vandi fu ba calculer. Na mbongo ya salaire ba futaka ngai $1,000. Kolia na biso ezali boni. Transport na biso na bana ezali combien? Uniforme bana ezali combien? Minerva la bana ezali combien? Bana soki ba beli toko cha par combien? Na $1,000 wana bolongoli par exemple $200. $200 wana bobombi babenga ngo enkonzo, bobombi. Mbongo oyo boko touchete. Soki mbongo ezate likama eyeli bino, liwa eyeli bino, probleme kweyi. Boke konuka mwa $200 na bozio mwa $50, po bo rezoudre probleme yeye na mbalakata paske mbongo msusu ezate. Le $800 oye tikali. Bolobi bon, na $800 oyo, $400 ezali po na kolia na biso nyonso. Bosomba masango, bosomba fufu, bosomba mafuta, bosomba loso, bosomba boi. Le $200 oyo msusu $400 oyo tikali, $100 na Minerva la bana, $100 na uniforme, $100 na bakaye, $100 na transport na bango. Bozwi mbongo wana bopesi epai ya nani? Mama. Mama bo konsidere lokola premier ministre. Famille eza lokola parlement. Président aza lokola papa ya famille. président lobby pour na moi oyo excusez-moi 1000 dollars 800 dollars ya budget potoko manasuka ya sanza. Mes chers amis, makambo oyo monsieur Norbert yamba yamba lobby ezali lukuta azali escroc azali flatteur. Pourquoi na lobby bongo alimbi sanga sona lobby azali escroc, excusez-moi, na m'excuser, mais en tout cas ce que vous avez dit ezali ndenge mboko na ba escroc bazalaka bongo. Ba flatteur bazalaka bongo. Pourquoi na lobby yango? Monsieur Sama, Premier ministre, a yé koukouta budget, ce qui ba lobby correctif na vidéo la fois passée, 6 milliards de dollars. Ya budget, tozali 100 millions, mboka Congo, eza loko la continent. Koloba ke Monsieur Sama, le Premier ministre, va réussir, ezali loukouta, mes chers amis. Tika na ebisabino, pourquoi ko réussir te? Ndenge na pesi exemple ya famille, mama bije ya ndako mobimba, 800 dollars, a part 200 obo longoli po bobomba, 800 dollars. Mais comment expliquer bozui 800 dollars oyo bo pesi mama? Mama za loko la premier ministre mutako izekite mbongo oyo, mutako kene na wenze, mutako sombe la bana uniforme, mutako sombe la bana bilo akolia, bo pesi ya 800 dollars, et vous demandez à cette mama ici, ale sakabino na ndako mikolonyo so lelo soki sosote lobi ngombe soki ngombe te boye boye ale sakabino misuni biloko a cher mama oya kokokabia okokate mama kokokate mbongo wana bopesi mama bije wana bopesi mama izali muke mama lokola zali mama na singa na ye ya luketu mama bana kosombela bino nini mama okende kosomba ndunda oye ebandiko lemba. Mama kosombe la bino, olia sombe la bino makayabu. Mama kosombe la bino ba pusieri ya makayabu, achi la bino nandunda boyo wakaka solo ya makayabu. Mama kosombe la bino nini? Mama kosombe la bino poisson de mer oye lembi. Pourquoi? Parce que bije na ye eko kokate. Voilà position Monsieur Sama Zanango. Monsieur Sama zali na bije oye zali na ya 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars dans un pays lokola Congo eza lokola continent. Mes chers amis nayebisaki bino, cher Norbert Yamba Yamba, si vous êtes honnête, s'il vous plaît, épargnez peuple congolais. 6 milliards de dollars, monsieur Sama ezala nzamba tindi ba potre na banani ba ange na ye. Monsieur Sama ko réussir na eloko moko te. Eloko moko monsieur Norbert alobaki alobi batu bazoye bateke ba province ezali na ba budget na bango, budget wana ezali budget ya na yebite soki budget ani na lobaki parce que ezali budget national monsieur. Il faut koyeba ke ba province bazali na ba budget na bango, c'est vrai. Mais mbongo ya ba province o ba ko exécuter ba programme na bango uta wapi? Ezo uta na gouvernement central mbongo na bango 40% ya une loi votée par votre parlement ba loba ba taxe mbongo nyonso ba province eko yana Kinshasa Kinshasa ko zo mbongo wana azui 60% 40% azongi seli ba province et pourtant na Congo na lelo ba province bazali kolela Kinshasa azali ko zongi sela bango 40% na bango te. Alors monsieur Norbert, si vous êtes honnête, si vous êtes doctorant, si c'est vrai vous êtes doctorant, ces provinces vont se développer avec quoi? Un exemple. Allons au Kasaï. Au Kasaï, bato oyo ya bakolo mbongo ba représentant ya Kasaï. Oyo bazali na budget ozolo ba province bazali na ba budget na bango. L'Assemblée nationale ya Kasaï, l'Assemblée régionale ya Kasaï bazali ko siéger na kati église Mennonite. Kasaï azana mbongo ya kosomba ya kotonga assemblée provinciale na bangote bazali ko siéger bureau na bango ko siéger ba réunion na bango makamnoso dirigeance bazoko sala yango na kati église Mennonite bazali na nyongo ya 4 mois bafutite bafutite. Pourquoi? Parce que Kinshasa zozongi sela bango 40% na bangote. Monsieur Norbert, kotinda ngai te nazala na doute na ba université oyotanga. Si réellement vous avez bien étudié, soyez honnête, zonga na vidéo le bac peuple congolais, na budget oyo tozanango, monsieur le premier ministre a réussir te. Olobi ba province bazali na ba 500 millions oyo budget ezali na 500 millions tozwa kaka province de Kinshasa. Considérons 500 millions ya budget. Mon cher ami, 500 millions ya budget ezali budget ya département ya université nanga. Département, je vous dis département. Université mobimba te mais département budget nango ezali à peu près ba 600 millions de dollars. Budget ya université. Et vous allez dire ba province tozo lokola Kinshasa, budget à 500 millions. Dites-moi monsieur Norbert, Kinshasa va faire quoi avec 500 millions? Tozo ka commune moko ya ki 500 sika ozoke ne komemisa ba mama na ba bidwa ba mai. Bazoke ne ko toka bidwa mai musika agent de développement qui soutient Félix Béton. Mais azali na ONG na yena ki 500 bato wana po batoka na mai ba ya ko sopa na bilanga bazo kende 3-4 kilometre ba kende kotoka mai. Ça c'est l'ONG ya expert ya développement monsieur Norbert Yambayamba. Une honte. Ezali soni. 500 millions de dollars. Dites-moi tous wa commune moko commune ya Njili. Qu'est-ce que Njili peut faire avec 500 millions de dollars? Monsieur Norbert, vous oubliez que Félix a promis aux Congolais dès qu'il est à la présidence, la première année, na ye na présidence, le budget à Congo est causé à 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. Alors, M. Norbert, vous êtes de l'UDPS, expert en développement. Natikale komo na réaction na yote. Na annonce wana ya Félix a pesa ki na peuple congolais soki na sali une année na présidence année na ngali boso budget na ngwe kozala 80 milliards de dollars. Où est votre réaction en tant qu'expert au développement? Wapi réaction na yo en tant qu'expert ya développement? Alongwe na 80 milliards de dollars jusqu'à 6 milliards de dollars et 6 milliards pe bazali ko discuter il faut quitter. Mes chers amis, voilà image ya budget oyo batu oyo ba flatter ya ba poste bazali ko kosa peuple congolais. Mboka na biso to kende na ba mboka ya mike. Mboka ya muke lokola Burkina Faso. Burkina Faso je pense ezali lokola ba Congo. Budget ya Burkina Faso ezali 2 milliards 782 millions de dollars américains. Budget ya Ghana ya 2021. Ghana eza muke koleka Congo. Congo eleki Ghana. Congo eleki Ghana na ba richesse. Budget ya Ghana ezali 35 milliards 900 millions de dollars. Budget ya Ghana. Et vous allez voir, ba expert au développement ya Ghana, bazali koloba, mboka Ghana, budget oya 35 milliards ezali mouke. Mais voilà au Congo, l'UDPS qui va induire l'air idiot na ba erreur. Parce que Félix Ayebi, budget était l'in koloba ni. Félix Ayebi Angote. Mais vous qui avez été à l'école, vous salissez. Ça y est. Mes chers amis, Bolingi Mbokote. Félix place à Zali Fouayeba. Banani Balingiye, banani Balingiye. Batuloko la Boyeba, ba Norbert, Bali Norbert Yambayeba. Balingi Félix te. Parce que, au lieu de Bayebi, ça y est que, hey, messieurs, Namboka na biso, ba defi ezali ebele. Budget oya 6 milliards. Eko sala e lo kote. Donc, c'est votre échec déjà programmé. Te, bango bazwa ko yebisa ye, ozali beton. Nambongo oyo koka. Et qu'est-ce qui va se passer? Soki botali budget wana. Excusez-moi tant les amis qui pensent te, mais soki botali budget oyo, mes chers amis, Mbongo et Bélé et Zaliko Kende 318 milliards 430 millions 627 000 francs congolais et Zaliko Kende la présidence de la République. Ce qui est le budget Mbongo alloué à l'agriculture, à développement, d'experts, M. Yamba Yamba, il y a combien pour le développement de ce pays? Budget Nango, combien alloué à développement du pays? Botala Mbongo alloué à recherche. Alors, Moutou Oyo, Premier ministre Oyo, a réussi un miracle ni de Bampanga Vincent. Non, ngai ndenge naza awa. Ce qui vraiment ce monsieur a réussi, n'a causé la très content, ba Western Union est diminué, Manigroa est diminué. Bisou est au vin Libanda, monsieur Norbert, vous avez été en Europe, oyebi comment est-ce que nous souffrons pour la kotinda kambongo na Congo. Mais le longai n'a causé pela que un premier ministre a réussi, moi je n'aime pas Félix, mais ce que Félix a réussi, Ezali en quelque sorte, ngai mout n'a pas bénéficié d'une façon indirecte. Parce que ma famille n'a pas zali kuna. Mais quand vous venez avec un budget de 6 milliards de dollars pour un pays continent comme le Congo, n'a pas de filles belé autosanango. N'a mounoko, béton va développer. Béton a zo développé mboka oyo. Béton a ko développé mboka avec quoi? Monsieur Norbert, ozali moutoua balabala te. Oyo moutoua balabala yebi budget te. Mutabalabala yebite budget utaka wapi. Mbongo oyo balobi na budget utaka wapi. Mutabalabala lobaka nini. Ah, mbongo eza ebele ba kene na bank, bazo ba papier, ba balola mbongo ebele. Voilà mutabalabala ndenga rezonaka. Mais yo, ozala ki na ekol. Si c'est vrai, oleka na bekol a malamu. Oyebi budget utaka wapi. Budget utaka, il faut oyeba mbongo oyo toko sale la mbule oya. Eko uta wapi. Ndenga na pese exemple ya famille. Famille bayebi ke mbongo o tokolia na mwa eko ya eko wuta na salaire na ngai. Ah, salaire eza combien? 1000. So ki bo sali dépense, est-ce que 1000 o eko koka? Na makamba ba COVID o 1000 eko koka te. Salaire eza combien? 1000. Mais po bolia malamu makamba no sa famille eza la mwa malamu, il faut combien? Il faut 1500. Alors yo papa na famille salaire eza 1000. Mais ba dépense na bino na mwa o ezo ya eko za la 1500. Bo sala ndenge nini? Bo kende ko defa. Ko defa na boke ne ko defa, bat badesa ambongo na kishasa, badesa ambongo avec intérêt. Mais la mindele o bozo mona, o bo mona kabalobi aide. Eza aide te, badefi sa kabiso. Alors, mbongo wana, soki ezali te, soko yebi te esika kozoa. Ezali pasi, deklare ki mwaye boko kezate, deklare fayit, deklare support ya batu msusu baya. Alors, soko tali na ba dépense ya budget na biso oyo source ya mbongo ezali wapi? Source ya mbongo ezali na ba don. Bozoka balobi source ya mbongo oyo ba na budget na bango oyo bazo salela na mbula oyo. Ifo euta na ba don, muta mute ya malamu apesa bango don ya mbongo, ifo euta na ba aide ba pays ya Europe na ba Américain ba salisa biso, ba pesa ba salisa ka biso te parce que soki muta a déficit yo. Aide ezali bon muto oyo don azana pasi tikana zwa mbongo oyo bozana soufansa ndako zwa mwa $500 bolia ozongi selangate intérêt zate bato mususu ba pesa ka bon bozana difficulté bozwa $500 mais bo pesa bozongi selanga capital nga $500 pas intérêt mais ba européen ba américain ba defsa ka biso mbongo avec intérêt intérêt wana chaque mois ezali ko matin ezali ko okomona ko capital o ba pesa bino etikali moke ba intérêt ko tele ki ebele bozoko ko zongi sa yango te yango bozo mona bato mususu ba pesa ka ba mbongo bongo la Chine bazwa ba port ya Kenya Chine bazwa ba chemin de fer ya Éthiopie parce que ba defsi bango mbongo bazoko ko ko futa te. Alors, pour ba récupérer mbongo na bango, bon to botoli bino biloko biso to gérer yango pour to récupérer mbongo na biso. Voilà la situation Félix Alinko tcha biso. Mes chers amis, tous à la honnête na peuple na biso. Tous à la honnête. Hein? Que boko sa peuple que non, Félix va réussir na budget oyo ya 6 milliards de dollars à ko réussir te. Alors, ngai na lingi na kutana na monsieur Norbert Yamba Yamba pas aujourd'hui. Na lingi na kutana na monsieur Norbert Yamba Yamba na plateau moko. vers la fin ya mois de décembre ya ne ouyo. Ou bien, tozoa, 6 mois après, donc toloba a parti à mois de juillet, ngana monsieur Norbert, to koutana na plateau, moko to tounana. Monsieur Sama, premier ministre, azozo ba fonction kalamingite, gouvernement azaliko nommé, avec ce budget, to yana non a bilan partiel. Il y a 6 mois, moi et M. Norbert Yamba Yamba, sur plateau, le colapona qui télé Tchango, que M. Fabien a bon chez la biche au plateau, ngaina M. Norbert, to koutana. Na mois de juillet, vers la fin mois de juin, mois de juillet, to solo la sur bilan partiel. Il y a M. le Premier ministre. Après, vers le mois de décembre, to koutana sikoyo, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 6 milliards? Donc on a lobby qui a développé Mboka, Mboka qui a malamo, tout coûte en mois de décembre pour discuter budget nyonso annuel. Beaucoup mon ami Norbert va fuir à Koyate. Et je vous l'ai dit, beaucoup mango lelo, ce premier ministre avec ses 6 milliards de dollars, il va échouer. A quoi échouer te parce que na linga échouer, a quoi échouer parce que les agrégats otozali nango na maboko. Qui permet à un pays de se développer un peu. Dans l'union qu'on a battu que M. Sama a connu qu'on développait un bon cannabis, comme le Corée, la Corée du Sud, une année. Non, il y a des projets à court terme. Même dans le projet à court terme, il va échouer. Parce que moyen, il y a des alités. Donc, Bandeko Boyeba, exemple, on a Pessibino, il y a maman, na kati ya famille. Famille, couple, bazayina bana, papa, azako sala musala. Maman Moutazo gérer Mbongo. Félix na batwa Félix koloba na bango. Balini koloba ke. Balini baza ko sala lokola mama oyo boye ko pesa budget ya ndako mobimba ezali par exemple $200 na mwa mobimba po bo vivre. Bana 10 boza na $200. $200 wana mama po a gérer bozali ko imposer maman bolini ko lia ba shawarma. Bolinko lia ba poulet, bolinko lia ngombe, bolinko lia ba ntaba, bolinko bimabo kene na ba fete, bolinko bimabo kene na ba cinéma. Est-ce que mama kokoka avec ses $200 ya budget ya mwa moko, mama kokoka te. Voilà situation le premier ministre Félix Azanango. Premier ministre Azali loko la mama oyo ba pesi. Ba pesi mbongo ezali moke. Ba tante ya bana ezali ebele. Ako kokate. Omoni na Congo na biso, bato balingaka ba poste. Parce que, à côté de l'histoire, il y a un premier ministre. Parce que M. Sama, si réellement il est honnête, intellectuel, il va nommer, il y a un budget. Il va d'abord discuter, il va nommer. Il y a un budget qu'on a utilisé pendant une année. Et il y a combien? Il va discuter, il y a un budget qu'on a utilisé. Ba tante leke bele na okokate. Mais au Congo, il y a un budget qui a 100 000 $. Okomona batu bakondima bakoma ba premier ministre. Pourquoi? Parce que au Congo, okomona mutu aza na défi. Ya ebele il faut remonter. Mutu pasi, mais au Congo batu basepela ka fête, ba fête ka pona nini? Famille bazo fête, yazo fête parce que azu opportunité ya koyiba. Budget oyo ya 6 milliards ayebi ki akokokate. Mais andimi pourquoi? Azo sala fête pourquoi? Aebi ke akokwa ko sala misala wana te mbongo za moke, alors mbongo wana profite ayiba yangwa e koma na poche. C'est comme ça bato na biso na Congo bandima kakoya. Azo ba fonction avec ba condition ya boy. Na tchè tout le monde na défi. Insulte moi ndenge bolingi. Bolo ba ndenge bolingi ke non aza professeur te, aza professeur, aza moi je m'en fous. Mais problème ezali oyo bozo bosana hormi biloko bozo ki neko luka aza professeur te atangi saka wapi aza cuisine ba refugié bozali ko bosana ke nazali congolais nazali na droit ko critiquer Félix pas parce que nazali professeur pas parce que nasala kaboyé mais parce que nazali congolais voilà différence o nazolo ba ke ba milouvor bazali ba idiot. Bango bazo kanisa ke biso tozali koya pona koloba parce que nazali prophète balobi bango moke quelqu'un il prétend azali ko prétendre que azali professeur te nazali koya awa parce que je suis congolais j'ai le droit légal ya ko critiquer et loko nyo sezo le kamabe na mboka na ngai. J'ai le droit ya ko critiquer mutu nyo sezo représenter ngai. Je ne viens pas parce que nazali professeur d'université. Na bandai koloba makamba Congo nazali professeur d'université, ba photo ezali. Ba photo ezali. Ba Congolais ba vani na Corée ba yebi. Moi j'ai commencé koloba na Congo. Na tango ba Congolais baza ko finga ngai. O ba vani na Corée. Mais mutu o azandengeni vers 2005. Mutu azandengeni, azana mwasi, azana bana. Olia kene na iji na sala musala, ye musala ne ko tambula kana ba balabala, ko pesa batu ba papier, ko ye ba Congo, ezana trouble, bo yebi ke bino ba Korea pe bozali ko contribuer na makila ya bana Congo, pa, na ba company na bino Samsung, na LG. Ngai Samsung, deux fois ba riska ba kangisa ngai. A cette époque na zalaki professeur te. Na kenda na biro Samsung, pona kene ko ye ba, ba zwaka kolta na bangwa. Parce que jeli, pacte mondial na business. Balobi très bien que ceux qui bozali ko utiliser ba minerai o ezali na zo ou na ba pays na conflit, il faut herbosa la ba pareil na bino ba gadget na bino, il faut ko spécifier par exemple coltan o bozwa ka wapi. Parce que balin ko freiner que ba coltan par exemple zo ou ta Congo et que ne ko na maboka ba criminel. Mais so bo fungoli ba pareil ya Samsung, LG, Nokia, Nyonso. Ils s'en foutent. Ba chaque explication na te, mais l'ONU recommandation ya ONU ezali. Est-ce que monsieur Norbert Yamba ayebi eloko na te? Moi na Corée, na kenda na bureau Samsung, bureau administratif, na tout na bango quand même. Na linko yeba coltan bo utiliser na ba pare na bine uta wapi. Ba bengela nga police. Na erwa na zaki professeur te, c'était pour le Congo, ezaki pour na mwasi na ngati, ezaki pour na bana na ngati, c'était pour le Congo. Na banda koloba bato bayebi ba radio ya résistance na yeb sakabino référence botu na monsieur Sandokanda radio Kimpoza avant en Allemagne botu na ye en 2003 ngana za professeur te botu na radio Bonsomi bazana Hollande na 2003 2004 na za professeur te je parlais pour le Congo botu na les Milouvor qui me nie aujourd'hui ou avant d'aller au Japon, ce qui est Lambert Ngoï. Demandez-lui. Quand il m'invitait na radio na ye, na ya kolobela makamba Congo, j'étais professeur. Nazo bimate parce que nazali professeur, nazo bima parce que nazali congolais. Si réellement vous aimez ce pays, si réellement vous aimez votre idiot Félix, parce que biso to yebi ke avec capacité intellectuelle ya Félix a réussir jamais. Mais bino batu bolingiye, si vous voulez l'aider réellement, bosali saye na misala. Bosali saye na ko attaquer biso batozo critiquer yete. Ba critique na biso ezali légal. C'est permis, c'est légal. Alors, soki boniye ngaye aza professeur, natiki ko ya na live. Natiki ko ya, nazo ya kutu makasi lesusu. Voyez-vous comment bozaba idiot. Niez comme vous voulez. Parce que Nazali, professeur, na Congote. Nazana Congote. Batouba commissaire na professeur Nazali. Batouba yaka na Corée. Batouba zali na Corée. Ba yebi. Ba zo mona. Mais bino soki bo niez. Qu'est-ce que ça me fait moi? Et ça l'année. Non, azafo professeur, azali boye. Po na Congo. Ezala mitakala toko tikala. Ezala mitakala toko tikala. Franchement, inversion de valeur. Voilà, mes chers amis. Et logo to linga y koloba pona lelo. Et logo nako senga na bino. S'il vous plaît, bo abandonne mbo kanabisote. Toza na situation moko difficile. Difficile dans le sens que limbisa. Moto o azali na tete ya mboka na biso, azali moto o akoye kozale sika wana te. Batu nyon so ba yebi, ezala se Norbert, yamba, a yebi bien, ke dans sa famille, banana ye o azolo ba koye kozale ba etudiant na ngate. Monsieur Norbert a dit que a koyi ko zo Félix le col exemple était appelé c'est pas banana ye. Parce qu'il a évoqué que banana ye bakoko zala na université onga na zo tangisa te. C'est-à-dire qu'a zo tinda banana classe. Est-ce qu'il peut dire na banana ye ba kata classe ba vana na ndako parce que Félix a kata classe avana na ndako, il est devenu président. Que monsieur Norbert demande à ses enfants de rester à la maison attendre chance et loko pamba ba comme ba président, ba comme ba ministre. Voyez-vous, et si Félix, il faut comprendre que Batou Oyo Balingi était Bazaba flatter. Bazaba flatter. Balingi était. Monsieur Yambayamba, il faut jouer Félix comme exemple. Mais tellement zawana, il faut profiter de l'incapacité intellectuelle de Félix pour que Bango va profiter de la fonction, de la salle. C'est ça le problème de Bango. Bato nyo sa komisa Félix. Moutou moko ta koyiko ya awa lelo. Je mets tout le monde na défi. Moutou moko ta koyiko ya awa avec argument rationnel. Ke nazali ko komisa Félix pour na point boy. Soit. Intelligence, soit expérience, soit eloko moko boy, eloko te. Monsieur Norbert wana aye a lobi ye azan expérience a sala na organisation boye boye boye. Voilà ici qu'expérience na ye outi. Na niye yangote. Parce que organisation o a sala ya ba belge. J'ai vérifié na moni que c'est une bonne organisation. A tamboula na Congo Mubimba pour a sala a représenter organisation wana. C'est vrai. C'est un bon travailleur. Mais, est-ce que M. Yamba Yamba peut nous dire aujourd'hui, la personne même, il y a président Oazali Koukoumissa, la personne, il y a président Oazali Koukoumissa Félix, attendez la point moko, mi balete moko, ou y a koyi koloba ke non pon a point oyo, en tout cas, franchement, Félix peut nous représenter. Point nini. Point nini. Et le côté. Et l'autre côté, guerre dans le cannabis, pardon, je dirais invasion à la Rwanda. Franchement, il y a des choses à éviter. Il y a un abonné qui est mes chers amis, boutique à la cannabis. Mboka na biso ezali na makambo ebele, souffrance ezali ebele. Moto aza place wana aza moto ko akozala na esika wana te. Félix aza Congolais to boite, même 50%, ce n'est pas un problème. Ngai na ko sepela, même se Norbert Yamba Yamba aza la président. Ke Félix, ndenga aza wana motema na ya yebi. Sécurité na biso e komi na Rwanda. Rwanda muta komi ko sala plan ya sécurité ya Congo. Mutu nyo sa yebi ke Rwanda ezali pays o ezali ko tia biso na ba problème à tout moment. Rwanda ezali na Congo. Et Félix va confier la sécurité na ba Rwanda. Toloba, tolobate. Soki o lobby, non, ko yiko loba boyete, ba komi ko luka. O sala kam sala nini. Ah, ce que vous avez d'ailleurs, Alex Ramungwa, Oyokanano, Gouya Biloko Moutouana Lambate. Pourquoi? Parce que pour na bango, ozali ko critiquer, et loko oyo bango ba zo bomba e bimate, pour bango ba profiter na sima. Mais non! Non! Na conclusion, na batoubaye sima, j'ai parlé de M. Norbert Yamba Yamba, qui m'a cité nommément na télé Tchango. Soit il y a une chaîne Moussousou, il n'y a qu'à répondre. Mais parce qu'il est passé na télé Tchango, il moko na biso na lutte Oyo. Alors, il fallait na répondre. Et Yango a décidé qu'il n'a répondre. N'a prouvé noir sur blanc. Que monsieur Robert Norbert Yamba Yamba azali un flatteur tout court, parce que ce qu'il dit ezali faux. budget oyo premier ministre oyo a réussir jamais a réussir jamais n'a pas exemple à maman na kati ya famille bo pesier budget ya 200 dollars na moi mobimba ndako ya 10 enfants 200 dollars na moi moko bana batanga bana université bazali école primaire secondaire bazali kolia ezali transport ezali ko futela ndako ezali mais budget ya moi ya 200 dollars et vous demandez na mama oyo bo pesi mbongo 200 dollars ya bana ya 10 ya 10 bana na famille vous lui demandez chaque jour bolia kamisuni mama wa okoka te akokoka jamais ndenge moko na premier ministre bo pesi budget ya 6 milliards na pays où ils ont le continent ba défi est belé à Okokate. Monsieur Norbert a eu au cours ba Congolais à l'obino ma province pe bazana budget na bango ba budget na bango ezali combien parce que ba budget ba province wana mbongo kouta il faut outa na gouvernement central na ba taxe na bango o yekena na gouvernement central loba il faut ba zong c'est la bango 40% ya mbongo wana na lelo ba gouverneur wana bazwa ka 40% wana te siko budget na bango ba ko sala ngo sur base de quel argent. Alors, le budget où ils allaient budget national, ils allaient budget à présidence, c'était 6 milliards où ils allaient budget national. Alors, donc, on a prouvé noir sur blanc que le premier ministre Oyo Tchelibino a échoué. Et ils allaient attirer un ange na kati. Je vous mets en défi à échoué. Toko zonga awa, après 6 mois, j'ai promis, j'ai demandé plutôt. Na Monsieur Norbert, aïe, ngana yena plateau moko, na après 6 mois. Et après 6 mois les sous, donc 2 fois, na année oyo. Pour tout discuter, ma kambouya budget. Alors, ce qui est commis, ma kambouya misala, Monsieur Norbert, na batoum sous, ya IDPS, soyez à l'aise. Vous allez à l'aise. Nazali ngai ndenge wozo monangai. Nazali professeur d'université, na Tangisaka, ba université Belé, mais ba université de base nanga ezali mibale na Corée du Sud, ba tenyo so ba yebi, na Google sur bo beti ezali, ba étudiant bazali, na réseaux sociaux bazali, ba Congolais o ba ya na bureau nanga bazali. Alors, misala mususu monsieur Norbert, ce qui okenda na oni, oyoka sango nanga te, c'est que ozali malhonnête. Na prouva ba carte na la kisa awa, eza important te misala to zali ko sala. Important se zali, contribution na biso po na Congo. Alors, ngai na koyiko kata misala na ngana zoya awa te, na kende ko bete la mutu maboko, mutu o azo merite te ko sali sa ba Kongole. Na kende ko bete la maboko. Parce que bazali ko senga biso boya ko sala. To ya ko sala, to ya ko sala ondenge nini. Parce que moi quand je ne viens pas pour applaudir Félix. Ngana woyate pour applaudir Félix. Alors, bozo benga biso to ya kokuta bino po to betra Félix maboko. Mutu nyonso azo landanga ezala bato ya IDPS, ezala bato ya IDPS te ba milouvor. Mutu nyonso ayebi na conscience na ye ya bon moto. Mutu nyonso ayebi ke Félix azali incapable ko sala quelque chose. Incapacité à Félix e wuti wapi. Incapacité à Félix e wuti un d'abord, naturellement. A botama mutu o aza mayele te. Naturellement, Batouba Yebi, Korole Nyon Saebi, eza injure te, c'est vrai. Moutou Nyon Saebi ke Batouba Bota Maraba Mongol, Bazala Kamayele te. Moutou Nyon Saebi yango. C'est malheureux, mais c'est triste, mais en tout cas, eza li réalité. Moutou Nyon So Oazo Landanga, eza la Batouba Yi Depes, Ba Yebi, Ba Milvo, Ba Yebi ke Moutou Oa Bota Maka Mongol, Azala Kamayele te. Alors, est-ce que Félix Azali Mongol, Beza Mongol te? Na prouva yango noir sur blanc que Félix Azali Mongol. Preve Azali nini. Félix a botami na famille ya bozangi te. Félix a botami na famille ya babola te. Félix a botami na ndaku ya premier ministre Mbalebele. Félix a botami na ndaku ya recteur ya université. Félix a botami na ndaku ya ministre ya justice. Félix a botami na ndaku ya président d'un parti politique. Félix a botami na ndaku ya chef coutumier o batwaka sa iso batimoli diamant. Baya kotika ma pourcentage na ndaku ya Tshisekedi. Alors, comment expliquer? Mwana o ya botami na famille. Papa premier ministre Mbalebele. Papa politicien yebani Congo Mobimba. Papa président parti politique. Papa ministre à maître reprise. Papa batuka sayen yon so bazwa kotika mbongo a diama ye pa na ye. Mwana atanga te. Ti lelo, est-ce que M. Norbert peut venir na video? Aye bisabiso, pourquoi Félix atanga te? argument au baïb sarabino que non Félix azala ki mwana réfugié ya mwana siko papa na bandeko kima ki mama mbuto ezali lokuta parce que Félix a botami na 1963 Tshisekedi ya bandi makambo contre Mobutu vers les années 90 toloba ba 80 tona era bandi ma mobulu mais yo koma mwa makasi ba 90 alors toke ne même na 80 wana mwana o botami na 63 vers les années 80 mwana o akosi sa classe te. Parce qu'à cette époque-là, avant 80, oh, papa n'a pas dit que le kouta iskrokeri, papa n'a pas dit ministre. Boyebi ki Tshisekedi azala ka ministre de la justice, oh, ya bomisa, ba Kimba, ba premier ministre Kimba, ba ministre Anani. Alors, est-ce que moutou o azala déjà ministre de la justice? Azana mbonga ko tinda mwana na université. Na tango na nani abandai ko lukaye. À cette époque-là, Félix Tshisekedi était réfugié, mais non. Bana oto ko yiko lo babana ya Tshisekedi peut-être batangi te o ya sima peut-être ba botami sima Félix est né en 63 c'est-à-dire que vers les années 80 Félix devrait déjà finir les études alors posez-vous la question pourquoi atanga te et si quand on a sur le pessing explication avec preuve nakotika makambo na zo sala donc Félix atanga te parce que na famille ba ye ko mona ke mwana bisa botami na défaut mental. Défaut mental à botami nango, aza mongol, ezali nzambe moto pesaka moto, mwana mso ako yiko botama malamu, mwana mso ako botama mabe, parent moko te ako linga mwana ya botama mongol. Alors, mwana o ya botami mongol, parmi bana mso a botami malamu. Alors, bana mso soba kende classe, mais ye atangate. Comment expliquer bana ya Tshisekedi o ba botami na sima? Natango mbuto azo luka Tshisekedi, bolobi mbuto anolo luka Tshisekedi, ngana tiko mwana te, esika mbuto azo luka Tshisekedi. Na bandeo mwona Tshisekedi na limete. Tshisekedi soa ke na Belgique, pouwa ke neko zwa ba guide, ba ke neko yebisa ye, qu'est-ce qu'il faut faire, aye ko zonga. Bana oyu ba botami na trouble, na hypothèse ke Tshisekedi abande, mbuto abande ko luka ye, ba tangi. Bongo bana oyu ba botama liboso Félix, atanga te pona nini, bandeko bampangi ya vensa, bo pesa nga réponse nisi ka wana. Bo pesa nga réponse. Olie bo finga nga ye. Boya, peut-être nazana bobunga na yebite. Alors, bino boya babi, non, monsieur Yombi, ozana raison te. Voilà, Félix so atanga te. Tala pourquoi atanga te pona boye, pona boye. Moi, je vous dis, à l'époque de Félix era zoko, la période ya kotanga, Tshisekedi était à l'aise. Il était ministre de Mobutu, à maintes reprises. Alors, raison ni atanga te. Raison ni, bo pesanga raison. Mwana mobola te. Mutu nyosa yebi na ame conscience na bino ke mutu oyo a realité to cheka kapo tribuna biso yeba na keno biso peto leka na pouvoir wana. Mais batu ebele bazo regrete, ba bi, ezala vraiment. Ezala vraiment même ba docteur Mpuila. Ezala vraiment même mwana ya Tshisekedi mususu. Mais eye kokuya ke batu ya Mobutu na batu ya Kabila babande ko profiter na capacité intellectuelle ya Félix po bazwa ba information sur papa na ye. Ba yebi ke ye azala kama ye le mingi te. So bo pesi ye mbongo, so bo sombele ba whisky, bo sombele mwa voiture. Félix akoloba, qu'est-ce qui se passe nanda kwa ya Etienne Tshisekedi? Voilà comment est-ce que Kabila a profité na déficience intellectuelle ya Félix po a exploiter en gros d'une façon politique. Ayepe a pesi ye pouvoir. Kabila pesa ki Félix pouvoir te po Félix a développé Congo. Kabila yeba ki trebe ke Félix a sa incapable ya ko développer même ndaku na ye moko. Incapable. Sa femme l'a dit. Moi sa Félix a loba ki yango avant bakende campagne na bango soit disant campagne. Moi sa Félix a loba na vidéo. A loba bazala ki mbongo te lo kote, même mbongo osomba polo ezate. Mais Félix a vécu na Europe pendant mbamboule belé. Il travaillait pas pourquoi. Même na Europe place avant daki. Misala ko yiko sala malamu te parce que déficience intellectuelle ezali. Ezali, mes chers amis. Je suis désolé, ezali une histoire triste. Mais est-ce qu'il faut to bomba yango pour to loba? Bien, il faut to loba. Pour epe sa biso leçon prochainement. Tondi mali susute mutu o azan déficience intellectuelle a koma batchaye président de la République. Boyebi ke Félix est là et si ka azali, ezali mérite te. Hein bandeko, même bino batu ozo finga ngay. Nanya loba ke Félix est si ka azali, ezali mérite. Mérite na iloko nini. Mérite na classe. mérite une expérience, mérite une expertise, ou bien mérite nani. Non, Félix est là. Juste, Félix, c'est une conséquence, c'est un accident de démocratie, c'est un accident biologique. Il est né dans une famille d'un politicien. Ça, c'est un accident biologique. Il est né dans une famille d'un politicien, même si à Botamine, il a une déficience intellectuelle. De deux, un accident de démocratie. C'est-à-dire que Kabila a profité de cette déficience intellectuelle, il y a Félix, pour exploiter en gros politiquement et aya ko placer pour aya bitrebe que avec déficience intellectuelle oyo akoko kailo côté. Alors, au lieu sikoyo parce que on peut sauver quelqu'un oyo azali na déficience wana. Bakebele ba pesa exemple, oh non, bongo siko na Brésil par exemple Lula. Mais non, Lula est né intelligent. Même si Lula tangate, Lula est né intelligent. C'est ça la différence avec Félix. Lula est né intelligent. Félix est né avec déficience intellectuelle. C'est ça la différence. Et ça n'est pas mon côté. Et ça n'est pas mon côté. Mais quand Lula est devenu président, qu'est-ce qu'il a fait? Lula zwa ki ba luba na yete ya Brésil, a Tchabango na présidence, a Tchabango bisika. Non, Lula luki batu po a yebike, a zana problème ya kotanga. Lula salakini, Lula ke ko zwa ba pilier penza oyo ba koki ko simba, sécurité oyo penza ngwi, oyo eloko boye ngwi, oyo eloko bo développement ngwi. Voilà différence. Mais Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Un, ye moko aza déficience intellectuelle, classe a tangate, deux, déficience intellectuelle, trois, expérience exacte, quatre, a sala ata eloko e sika mon côté. Président de la République, alors, Moutouabo, il faut que ça l'enlève. Il faut que tu aies un bateau, ou un bazali makasi. Ou yebi trebe ki bateau, erreur est à la te. Nga moko compétence est à te. Ma yé les à te, mais bateau, ou yo ba ya ko zingangaye. Po ba yé dengaye. Quand Mobutu est devenu président, Mobutu n'avait pas un titre de doctorat. Mobutu a zaki même un titre de gradué. Mais qu'est-ce que Mobutu a fait? Ce que yo ki conseille à Mobutu. Nga. Il faut qu'on montre que c'est un conseiller. Mais bande konangai, bota la batu Félix azana mongo pembeni. Bo yoka ba conseiller, Topin Kabongo. Mes chers amis, Topin Kabongo est si ka vandre na Belgique. Ba chekula. Akimi Belgique akéi na mboka Canada. Qu'est-ce que Topin Kabongo a fait? Voilà le conseiller. Très proche, ya président. Conseiller, vidi ye chimang. Moi, je connais conseillère moko ya Félix, madame pona sitayi kombonaye, madame Chantal Yelou. Est-ce que madame Chantal Yelou, qui est conseillère principale de monsieur Félix, a quelle expérience? Elle a travaillé où? Elle a été au Canada, azosala na social. Azosala na social et sika ba gardaka ba koko. Comment est-ce que cette dame est devenue conseillère. Il y a président de la République. A Téléman, à Marche, mi balé, mi satou, na Canada. Boni Canada, ils ont beaucoup à moko, batou, à droit de l'homme, batamboula. Kayo, yikuna, batou, bazo tamboula, a ke azui, banderol, paye, pasim, batamboli. C'est ce qui a fait cette dame conseillère principale na matière, ya basi, na droit de l'homme. Moutou moko tangelanga, université moko. École Moko, cette dame a étudié les droits de l'homme. Atangelanga, une organisation où cette femme a travaillé pour les droits de l'homme. Botangelanga Moko, je vais me pendre. Voilà, Batu. Félix a s'entouré na Bango. Voilà, Batu. Félix a s'entouré na Bango. Ezala oyé, moi je suis doctorant, je suis, mon cher ami, échec Ezali. Et là, comme sous Batou Bayébité, Batou Oyonyo sur Félix a même la présidence. Vous savez quelle erreur, Bamema Félix. Bayébisa Félix, bon, le kola toza ba conseiller na yo, élevé biso na ran ya ba ministre, vice-premier ministre, na ba ministre. Donc, ba conseiller on a bozo yoka, Topin Kabongo, Vili Chimanga, Chantal Yelou, Bazali soki 12, soki 15. Bazali na ran ya ba vice-premier ministre. bazali na rang ya ba vice premier ministre. Alors ba conseiller mususu nyoso batikali ordinaire bazali na rang ya ba ministre. Aza na bango combien na présidence? Ba conseiller principal aza na bango combien? Ba conseiller ordinaire aza na bango combien? Ce qui botali budget oyo la présidence de la République ezali parmi ba agrégat o ezali kolia mbongwe bele ya budget. Mutu ya boya ko réussir ndenge nini? Ce qui to lobby, oh non, olingi Félix c'était yango lobby ozo souhaité tala na Congo bo kanisaka boza toujours na intention ya religion. Mes chers amis, religion ezali mabete. Mais religion moko te oyo a part batu oyo. Religion na bango moko. Ya mboka na bango moko esalisa bango pour ba développer. Ba religion oto zali kozwa. Christianisme. Na kati kuna ba catholique. Musulman. Ba bouddhiste. Et développa mboka moko te na Afrique. Et développa mboka mokote et ko développer pe mboka mokote en Afrique parce que au lieu de raisonner en terme ya ba bino bozo raisonner en terme ya religion il faut qu'on en a kondima ndima kakande ko amen Félix va réussir amen Félix Béton amen personne azo se demander Félix a ko réussir oui mais avec quoi Félix a réussir na ba conseiller ya boy. Félix a réussir na ba jalelu sa boy ko betela maboko boy et loko mabé olé ba yisé ndeko et sika na mabé ozo kené mabé zonga sima yé pa ko mona parce que moto a san nzambété Félix a san nzambété même bisonde to za boy to za ba nzambété na koy ko yé ba makambo nyo sauté ozo ké direction na é ba to ba tension ndeko direction na ezali mabé zonga sima mais o ya Félix moto zo zonga sé sima zaté nyo so Félix azo sala Eza mabe, atambula na nzela beton, ake nanda kuna ye beton, ake na présidence beton, ake na Union africaine beton, Félix Moutou ezo vimba. Félix Moutou ezo vimba. Félix azo mona ke oui, makamonga na zo sala, ezali malamu, ezali bien, je suis dans le bon chemin. Voilà un vrai président denge nazali. Nzo kande, bandeko oyu bazali ko induire une erreur. Nga na yebi trebe soki Félix azali imen. Po aye ba eske azali na direction ya malamu bien mabe, il faut alanda ka biso. Parce que ces gens ici, bozo yo ka ba Norbert yamba yamba, ezali batu bako yede Félix te. Voilà motu, o aza doctorat, ce qui mi balé, ba master, ce qui combien, na développement. Mais azo ye bate, azo analyse te que un pays comme le Congo avec un budget il y a 6 milliards et que ça là rien même nzambaye rien ba province o yazali ko loba bazana ba 500 millions de dollars ayebi bien ce qui attanga ya solo ba école ya malamu ayebi trebe avec 500 millions de dollars eza la commune ya Njili na Kinshasa na yobi Kinshasa ville mobimba te commune ya Njili avec 500 millions de dollars commune ya Njili ko développer jamais. Mais, au lieu de dire vérité, que Ezali échec pendant 2021 avec ce budget ici. Non. Non. Un intellectuel a zo croire dans le miracle. Économiste hein, qui croit dans le miracle. Au lieu de dire miracle brésilien, le brésilien miracle n'a pas Ezali dans le bon budget. Le coréen miracle n'a pas Ezali dans le bon budget. Le taïwanais miracle n'a pas Ezali dans le bon budget. Singapour, miracle na bango ezali na mbongo budget misala, mais epa na biso na Congo, miracle kaka na maloba, bo beta beton akosala makambo boyene, akosala nini, wana kotuna te, kotuna wana te, mbongo kotuna te, miracle nzamba okweisa bapon, nzamba okweisa banzela, bo lamka apka boye, nzamba tongi banzela, longwa Kinshasa, eketi na Mbujimayi, batwe ko longwa malamu, tina Equateur, na Kisangani, voilà comment est-ce que Congo ezali kokende. Les gens qui détruisent le Congo, ils allaient battre Oyo. Et je vous ai dit, moi j'ai un document, il y a Bamboke Bele, dans un document à Singapour, comment ils, sont, ils se sont développés, dans un document à Corée, comment ils se sont développés. Il y a Corée, ils allaient plus de 3000 pages. Qu'est-ce qu'ils ont fait chaque jour? Batoloko la Norbert Yamba Yamba avec ses histoires au Tangi développement. Mais vous appuyez un budget de 6 milliards que Mboke Kozala Malamu. Premier ministre va réussir. Batouana Mboka Korena Erwana, Bakozoyo, Batpandre Yo, Batumbi Yo. Ozali Lokuta, flatter. Alors, tout le bateau de Mani. Mes chers amis, et là, quand on a eu sa bino, que n'a pas eu sa bino, pour qu'on change un bon kawana. Ce que je demande na batou nangai, au bolanda nangai, ne soyez pas paniqués. Ceux qui ont moni batou, des petits garçons, batou bazoya, quoi, y'a sabino qui non, motouana, azali boyete, azali professeur, azali boyete. Oui, ça va, on kaka. Le monsieur là ne vient pas pour aloba makamba Congo parce qu'il est professeur. Monsieur wana azoya pour aloba makamba Congo parce qu'il azali congolais. Acceptons, azali professeur te. Acceptons Oni et Yebingate. Acceptons Nasrana organisation Mokote. Acceptons Bakoreye ba Yebingate. Tondimi. Mais Nanya Yakobima loba ke Monsieur Yombe aza Congolete. Nanya Bima. Aloba ke Monsieur Yombe aza Congolete. Personne. Voilà. Statut ezo permettre nga na yako loba ko critiquer makamba mboka na ngai. J'ai les droits. Alors. Ba o nyoso politique ya ko dénigrer batou ezali juste politique ya UDPS ezali politique ya ba mirouvor au lieu bas bas sa ndeko na bango na misala soki bolobi béton te sala musala béton kombola soko za na place ya kelo sa te kombola balabala ezala malamu kuno zo yemba béton ki chassa balabala propre parce que ngade ko iko ndima tous wa kaka ville à Kinshasa propriété nan toke na centre ville marché central ya solo bato baganga ka béton bato ide pes balingo sali sande ko na bango toko mona ba wewa o nyoso batondi wana nyoso batonda ka wana lelo ba no ba ke bon journal lelo biso nyoso to tondi na marché Kinshasa toko mbola ba marché Kinshasa semaine ko yakuna toko za na gambela semaine ko toko za na kitambo semaine toko za kuna bokombola volontairement bazo sala yango te. Mena muno kona bango beton. Kuna bazo lwa beton, solo ya poubele zokota. Natangwa kobela, olia senga mbongo pa beton. Akomi ko luka kuzeni ni azalaka na Europe, kuzeni ni azalaka na Amerika, kuzeni ni azalaka na Angola, kuzeni ni azalaka na Afrika Sud. Awa, oti ingana kufa boye. Nga ina kufa. Mena tongwa maneiko ganga fachibe. Fachibe. Me era beli, awakende ko luka fachibe te. Ako luka, ndeko na ye o azana diaspora, azo soufrir. Soki ndeko na tindi te kindoke koti na kati. Ah, ye atinde la kaka bandeko na ye. Biso bana mama leka atinda kate. Biso atinda kate banda akenda. Akenda poto te pona bino. Akenda poto pona ye na bana na ye. Akenda pona bino te. Bino soki bo beli bo zala problem. Demande a fachibe. Siko fachibe angu azaya nini. Fachibe. Azaya nini. Bo beli bo zo senga. Kolia bozo senga, bandako bozo senga, kolata bozo senga, sapatu bozo senga, basu vêtement bozo senga. Siko fati be en quoi? Maya komela boza na ngote. Siko fati be en quoi? Répondez-nous. Répondez-nous. Botala na Haïti. Bana Haïti ba telemiti président na zokende ako kende pe botana birmani ba birman ba telemiti président oya biso ba politisa ba kobenga bino boya bosali 30 minutes abon boyeba soki ba kangingai ba koyeba ba koyeba ba sala boyete soki oyoki ndengwana ba pesiye poste te soko moni ba flatter wana ba zobima. Ah non, le gars là qui s'est fait passer pour un professeur. Mais non, le gars là qui s'est fait passer pour un professeur est un Congolais 100%. Azali Congolais 100%. Alors, Fati Beya zo salani. Tu sali ko senga na Fati Beya comme ça Congolais ko la korete na inane. Mais na inane ya 2 ans sali. Mai, il faut que la 5 ans. Mais il faut que vous ayez 10 ans qu'on peut sa Congolais Mayamela. Kopesa Congolais mayamela. Ba pays même ezan na bambongo te, tozo ka ba pays bazo somba mwa ba dose a vaccin. Fachi Bé, avant dia zozela, Union européenne ou bien UNICEF ou bien OMS, ba tindre ba vaccin. Mais to monite ba tozo na ba koki mingite, mais moi millions de dollars tozo na ngo oyo, tozo mwa ba vaccin ata moke, to vacciner même ba na biso ba chege o bazana ba ville principale to vacciner bango. Boyo ki Fachi Bé? Boyo ki Fachi Bé? Mais le problème est que biso tokoyi kotika situation boyete. Nous devons nous battre jusqu'à ce qu'on va faire tomber Félix à Kokweya. Et ce qui Félix a kweyi ezali jurisprudence. Plus jamais na mboka na biso un mongol à la tête ya mboka na biso même ya ministère moko. Plus jamais. Parce que, tozali komona, même avec les Rwandais Kabila, tomoni makamba bouyete. Tomoni makamba bouyete. Franchement. Mboka na biso batu bazo kufa. Mais Fachi Bé bozo kalobini. Ye, azo sala tout, azo silisa ba guerre, ba trouble, ba conflit na Afrique. Parce que aza président Union africaine. Na une année, na deux ans, maya pamba koyi ko pesa Congolete. Na deux ans, vaccin ata, vaccin moko koyi ko sombe la Congolete. Na deux ans, koyi ko tika Congolete, ba lobandenge ba lingi, ba attaque. Mais Fachi Bé, a lingi asili sa ba conflit, ba guerre na Afrique, pendant que na Congo na ye ba ADF bazali, ba Rwande bazali, Félix a sa incapable ya ko zwa même un millimètre carré ya mabele, ya ba Rwande bazwa. Incapable. Mais il est capable à l'obina une année, président de l'Union africaine, il y a aussi sa baguette en Afrique. Quel est qui yungo? Et au royaume partout, limité qu'on a partout. Fachi Bé. Fachi a l'obina aussi sa guerre en Afrique. Fachi Bé. Nala la rassoye na la mouki na l'obaka. Nzambe, merci. Na la la kasuki na la li na la mouki na loba nzambe merci. Au moins, nzamba pesanga mwa kapasite ya koza la moutou na ba fakilte na nga nyoso. Ah. Mwa don wana mouke, nzamba pesanga ya mouke. Na sala mwa mayele. Mayele nga eza ya koganga te bè, te. Mayele nga je prouve sa. Na mboka ba paya. Monsieur Norbert Yamba a été en Belgique. Belgique va bien. Il a étudié là. Est-ce que Belgique va bien? Mais Monsieur Norbert a kende kaka même dans l'ambassade ya Corée. Quand il chasse ça, kende kaka. Oyoka vrai bé. Mupaya, mutu mwindu. Na mboka oyo balingaka batu mwindu te. Ah, mon cher ami, quand même, er moko ifu kondima baninga. Franchement, hein? Bozo se ridiculiser pour rien. Er moko ifu kondima kabaninga. Mutu aute Afrique, un Africain. Oyo babenga kabiso na ba jatiki babenga kabiso ba makaku. Racisme na Europe, na Amérique, eza ko bomba. Ezali meza ko bomba. Na ba metro, bo koti, bo partout, ba place publique, bazo bata, ba me bazo loba na mwena kintweki. Me ba jatiki ba loba ka vis-à-vis makaku. Ozali makaku. Oya awa mutakala bilambo lati na aéroport. Bazo tourna yo na mboka na yo koka ezali, na mboka na yo kamyo ezali, ba moni yo zo konduire bazo kan soza Ameriken, ego yo Afriken, Kongole, eske na Kongo kamyo ezalaka? Alors, ndeko na yo, yo vani na Belgique siko zi ba master soki 4, olobi yo zi na Belgique ba master 4. Même na quartier na yo siko vani na Belgique, personne ne te kone. Personne ne te kone. Ndeko na yo ake na zi, esika ba lingaka. Belgique koutu ba noko, bako yuko matisa yo. Ndeko ake na mboka na zi, oye ba lingaka batu mwindu te. Tout le monde, respect. Tout le monde, respect. Na zo konstate kene na presidansi ya Félix, na tangelo ba komba ba conseiller. Kene na presidansi ya Félix. Soki ba wangani, na zo binisa ba communication na nga na bango. Ba audio naba chat nazo bimisa kende bayebisa yo tango bayaka na kore quel son bayokaki ndekozala quand même humble ndima pe muninga ndima mabe na bino ba milouvor bondi maka moto te moto na soki aza etienne chisekedite moto na soza famille chisekedite bondi mayete bondi maye soki abetele etienne chisekedi maboko andi meli famille chisekedi abetele famille chisekedi maboko bondi miye so abeti maboko te bondi mate bomoni siko bavandi sui ndeko oyo ya mwasi Deborah Kayembe ndeko wana sali un exploit. Baye ko nome ye directrice ya université. Bango bakanise ke ndeko wana za milouvor. Ba gangi kuna, bamani baluba, biso to sala kaboye. Biso ndeko wana abimi na Twitter atyepse bango hey, shit, boka ngamino kuna bino. Boko tsangana mabuzo bana bino ba milouvor wana te. Président de la République ba komelie mukanda tindre biso ba invitation to ya. Abi nazana bezwa ba invite. Boya ko supporter ngate. Batu Écosse batu ba voter yé ba milouvor batu ba voter été ba voter na fermeté ba voter yé et sika ba voter yé ndekwa na kuta banai ko yé baté kuna na kati bazolo melayé voilà les mérites et sika bazo pona ya yé bakite ke bazo pona yé alors bino ko ya ko kota yé na buzo bana bino ba milouvor bo banda ko benga ye Deborah Ber de aboyi na ye abi na lingi biloko wana te o tindre biso ba invitation to ya a po boya na ba avion soki 3 boya na ba avion 3 batu bazonga ka 4 ba pilote kaka bazonga aboyi na ye siko omoni bango sui ba vandikal po azongisi bango na nzela d'abord cette femme tozali na lit moko na lobaki na video eleki tozali na lit moko. Elle a travaillé pour le réfugié. Je travaille pour le réfugié. Na ndenge a komit esika wana ndenge penga na koma na Corée. Esika université moko kwangi université bazwangai na yeba kité coup de téléphone. Oh non papa yoto moni il faut yana no awa osala test soki o réussir professeur. D'abord diplôme na yo ezawapi. Ah yango otangi wapi? Canada. OK, c'est bien. Test 9 professeurs dans la salle. Na yeba kite. Herba Benginga, le président de cette université, m'a appelé par téléphone. Na 300 km, y a ville Nazaraki. Moi, je croyais que, non, le monsieur, il y a la télévision, il y a peut-être un peu de temps. J'ai négligé. Parce que, moutou, bon, ba Corée, c'est pas CPI, na yo, ba CPI, na yo. Ba tu bazo benga yo, Kenegolia, peut-être na 500 km. Yo vandi na 500 km a bengi téléphone est-ce que ko ya samedi to ke negolia un restaurant ah papa na ke ya karapo po alingi nini po oya ye batu ba mona ke ye muta bengi siyo bakanga ba photo voilà le président de cette université m'a appelé au téléphone yaka ayibisi ngate pourquoi yaka na ayibisi en tout cas na oya deuxième fois quatre fois il m'a appelé quatre fois. Et je vois qu'il y a deux semaines. Azo benga kaka, mais pourquoi lui n'y a pas de bien que ça yo? Ah bien, en tout cas, naoya, je suis occupé. À cette époque, nazala ki administrateur na hôpital. UIC, hospital. Bak ba vany na kore, ba yebi hôpital wana. Nazala ki administrateur, ba photo ezali. Président université, ou asali ndengenim. Siko a bengi télévision moko na lekami télévision nationale KBS. A yisi bango me bino bato bo yambaka monsieur Yombi. Nazana besoin na yaya me pourquoi azolinga koyate? Na bengi 4 fois azolinga koyate. Télévision programme a directeur a programme ya télévision na benga monsieur Yombi président ya université Oyo a bengi yo mingi me pourquoi azolinga koyate? Non, en tout cas nazana tante mais expérience pe nazana ngo parce que belé soit bengi alinka ko kenolia loko laza président université alinka ka bato université ne ba mona ke ye muta bengi singa yi ba itidia ba ya ba kanga ba photo muta télévision ici non kende masolo ya kitoko eza kuna na kei ko koma na komika boye ayi singa nanu ah mais biso na culture na biso ba koreye ce qui mukolo azo benga yo il faut quand même kundima ko ya mais ndeni na bengi yo 4 fois lingite. Rabino tant ils allaient quitter. Abi bon voilà. Abengi directeur secrétaire général à l'université. Abi au secrétaire général à l'université. Na bengi yo parce qu'on a remarqué tolandaka yo mingi. Nous avons remarqué que condition moko kakaso zanango soko zayi na doctorat soko zayi na agrégation tokoyi ko engagé comme professeur université na biso mais à condition olik examen il y a deux examens soit ozali mopaya okolekaka test moko ya université ba engagé yo et ozali professeur assistant. Confusion ezali na ba congolais na ba milovor, mes chers amis. Boye ba ke façon programme d'enseignement ya Congo eza différent na programme ya enseignement ya ba américain, ya ba canadien, ya ba asiatique, Japon, Corée par exemple. Parce que na Congo avec un licence, vous pouvez devenir professeur d'université. Bazali ebele, par exemple monsieur Norbert Yambayamba, il a dit Atangisa le kola chef de travaux. Mais avec licence, Azotangisa chef de travaux. Bazali ebele. Kengo Adondo avec licence. Abanaï Kotangisa na université de Kinshasa. Bazali ebele. Mais, na programme américain, coréen, japonais, Singapour, condition à liboso, il faudra d'abord na doctorat. Et ce n'est pas tout le monde ou azali na doctorat ou akoyi Kotangisa. Il faudra na agrégation. C'était la première condition. Naïsi Bango, oui, naza nango. Pourquoi nazwa ki yango? Parce que esika nazwa ki deuxième master nanga, balinga ki ko proposé nga na continue na sala doctorat pour na tangisa. Et j'ai profité de l'obibon, le kola, nazwi admission na Canada, na ko préféré na kenya na Canada. Je suis allé na Canada. Na salle d'agrégation, na salle doctorat, na salle d'agrégation, je suis rentré parce que na mona que futur nanga et kozala na Corée, ba yebinga déjà, kuna na kozala malamu. Je pouvais rester na mboka Canada, na zonga ki. Alors, na tango na zongi. Na tango ba yebisinga bon. Il faut ça rentrer à l'université après parce que ozali un résident. Il faut les canates, il y a ministère et enseignement supérieur universitaire. Là, tu seras engagé comme professeur coréen. Parce que ma statut, na Corée, les amis balé. Ma paya, il y a des professeurs étrangers na Corée, bazali. Ma Congolais, pe bazali. Mais, ma Congolais, wana so tuni bango, ma contrat na bango, ezali, ma contrat comme un étranger. Salaire na bango eza ndenge moko avec un professeur coréen. C'est ça la différence. J'ai été engagé na l'équipe test wana 9 professeurs liboso nanga bakay zo ba étudiant moko kaka lokola ba étudiant ba kota ba yisinga bon oza spécialité eza spécialité na yo eza nini eza libre bon voilà test. Prépare-toi au tangisa. Na tangisi pendant 30 minutes. Ezake pour 1 heure 30 minutes bakati kata kata. Bon, zonga te opesso réponse après 2 semaines. Ko zonga na zongi 40 minutes, téléphone yé. Monsieur, au satisfaire, distinction. Pour na biso to engagé, mais il faut to kote sa dossier na yon ministère affaire, ministère ya enseignement supérieur universitaire. Ba kosi dossier, il faut na kene test moussous kuna. Kuna y pose problème na sens ke balobi, est-ce que boza na koreye moussous te, ou akoye ko zon moussala, ou yo kaka bolingi moupayazwa. Université Balobi, biso to lingi kaka ye. Problème exacte devant un fait accompli, na kei test na ministère. J'ai passé le test, ba image zali na Facebook. Voilà comment est-ce que j'ai été engagé. Na senga demande d'emploi te, na kota demande d'emploi te. Deuxième université, ça c'est une université privée. Na zolo ba parce que ba milovor na yebite. J'expliquais que na programme coréen, japonais, Singapour, américain, canadien. Soko za doctorat te otangi sate. Même on a doctorat, soko za agrégation te otangi sate. Bandeko ba vanna Canada ba yebi. Alors, professeur assistant zali nani. Parce que boyebi eloko ba bengi tenure te. Professeur assistant, d'abord il faut na doctorat. Ko banda yo bandi ozali professeur assistant. Ozo évolué jusqu'à ce que voyez encore ma professeur full, jusqu'à ce que professeur mérite, professeur ordinaire, tout ce que vous voulez. On commence d'abord ce que au tangi ça ici comme société. On commence d'abord par professeur assistant. Professeur assistant, il y a une koloba ndenge za na Congo te oza na licence, OK ko telema liboso abana ko tangi ça ezala kate. Mes chers amis, université Moussous Ouana, c'est une université publique, Tchonam National University, publique, renommée nazi. Bah, yo corrompre, bon, na cadre, le coup, la tendance va corrompre, en un sens, en moral, que non, tika université Ouana, ils a privé, il y a qu'un université à l'État, il y a qu'autant que ça. Awa. Na yo, bah, j'ai de bonnes relations dans l'université Oyo, na l'inkolongate. Oh non, salaire, na yo, tu es à la boue, non, non, l'inkolongate. Université au Basali Ligani. Baye comme on a siko le président ya université nanga. Baye si to lingi monsieur Yombi a longwa me aboy, alors toi arrangé. Dans la loi coréenne, il y a enseignement. Mutu moko, professeur moko ko yiko tangi sa koza la ba contrat d'enseignement ba université différente mi baleti. Donc plus un T. Alors, ba, les deux universités se sont arrangées. Bon. Le kola na université o nabino azali full professeur. Na université na biso, to ko signé contrat et le kola professeur full, to engager le kola professeur visiteur. Mais avec un salaire d'un professeur full. Automatiquement ba yebisinga concevoir un plan pour na kotangisa nayo. Na profiter nango na yebisi bango bon. Bo eskizenga c'est bien ba milouvor bo yoka. D'ici bango bon, nous allons concevoir un département ya ONG. Na quatre universités, il y a un département ONG où yo nyon se zali en coréen. Les cours en coréen, tout na coréen. Nga d'ici bango, moi je souhaite na concevoir un département ya ONG na quatre départements oyo, mais ezala na anglais et bapaya na ba coréen. Ba cours nyon se zali en anglais. Concevoir. Na concevoir ça m'a pris presque 2 mois na concevoir yango na voyager na discuter na ba université musu na collaboration. J'ai été à l'université Saint-Paul du Canada na Ottawa na zala kuna na kenda université na York université na kenda kuna pona partenariat na département oyo na na ningo fungula ba yosinga bon financement luka financement. J'ai trouvé ba conseiller à président ya Corée. J'ai trouvé gouverneur ya ville. Ma photo na Facebook ezali na yebisi voilà ce que nazo concevoir et kozala malamo pour na Corée pe na monde musu ba bon programme ngo ezali ngali no département ONG oyo to kozala d'abord et kozala d'abord conçu pour na ba asiatique na ba africain et comme na financement na Hyundai na Samsung balobi biso to niko financer te bo tchali sousou ba africain na kak ezala kaka ba asiatique na bime non pourquoi pas na ke ko discuter na bango 3 fois ba ye ko ndima financement yé pour la département oyo 2 millions de dollars ya liboso poto to banda. Alors na Corée ba livre makamunyo ezala kana na coréen na keili sousou. J'ai coopéré avec Amazon. N'a coopéré avec ba librairie na kenda Oxford na Londres. Na kenda na Chicago, na États-Unis. Na zonga lisusu na Saint-Paul na Canada. Na kenda na York University na Toronto na Canada. Pour que ba faciliter biso ba livre o ba utiliser kate to zwa yango to somba na partenariat. Ba livre virtuel na ba livre physique. Ya papier ngai na mema mbongo poto zwa biloko ya nyoso ba frete yango ba livre ya nyoso ekene na Corée. Département ebandi l'université m'a nommé directeur ya département ezali directeur ya département to banda département wana poto linga kinano ba kebelete to banda le département wana avec 6 étudiants. Na kati na bango, inu Burkinabe, Ce que Bolingui Kombo naye qui s'appelle Melina Kabré. Elle travaille maintenant à Burkina Faso, na PNID. Azali directrice maintenant, y a, je pense, adjoint, na PNID. Fonctionnaire na zanango pendant na mutute. Mais elle travaille na PNID, na Burkina Faso. To yana étudiant moko ya Cameroun. Elle travaille maintenant na Corée. Dans une organisation. Nayane étudiant moko ya indien, moko Bangladesh, moko thaïlandais, moko malaisienne, moko philippienne. Na voyage na bamboka wana nyonso pona recruter ba étudiant parce que na linga ki na échoué te. Interview na ligne, oui, mais en tout cas, na linga ki na voyage, na mona bato, na poto sa la partenariat na ba université. Na kenan université Makerere, ya Uganda. Pardon, na, je pense que c'est, oui, na Uganda. Na tambla ba université, wana nous na Burkina Faso. Betudiant na ba ye. Lelo département est komi betudiant presque 300 étudiants. Directeur, à part professeur, directeur d'un département. Oyo nyoso bato nyoso ba vandi na Corée ba zomona, sauf Balouba. Par miracle, sauf Balouba, ba zomona te. Alors, mes chers amis, bino bato bozali pona biso, bato bola na bangote, ce sont des vauriens. Baza ba vaut rien. Merci Kabila pour ayeko la kisabiso ke vrai face ya bato yo bazala ki banani. To yeba kite? Batebele yo biso mso to zala ki mwa eveye to bandai ko yeba. Me batebele ba kongole ba yeba kite bato baza banani. Merci Kabila ayeko la kisabiso penza vrai face na bako. Voilà. Donc to umeli mingi lelo 2h22 minutes. Comme to lobaka. Un idiot, c'est un idiot. Deux idiots sont deux idiots. Trois idiots sont trois idiots. Un million d'idiots, c'est un parti politique. Ce parti politique, c'est l'UDPS. L'UDPS est constitué des hommes et de femmes des tribus. Les hommes et de femmes des tribus sont des milouvores. Les milouvores sont des citoyens congolais qui ne pensent que sur base de leur tribu. Le Kola, M. Norbert Yamba Yamba, c'est un homme des tribus. Soukazali Milouvorte, c'est un citoyen congolais milouvorisé qui supporte un gouvernement avec un budget de 6 milliards de dollars dans un pays continent. Où est-ce qu'il doit quitter? Merci beaucoup pour la Nabiso. Merci pour la Okabo la vidéo Nabiso. Pour la Congo, toko l'embate. Pas finga bino, moto na bino woku misakana. Aza professeur te, Ndima, mais Azali Congolais. Ndima, Azali Congolais. Je ne suis pas le porte-parole des professeurs. Kozala professeur, nazala congolais avant nazala professeur. Ondi manga, ondi manga te. Nazala professeur na mboka na yote. Nazala professeur esika bino bozo dirije te ya pouvoir na bino Balouba. Nazala professeur na kabeya kamwanga te. Nazala professeur na mbujima ite. Bino batubo angaja nga te. Soki nazo kosa bino pomeza te, mena wokosa bakoreyen te. E, boye bake, idiosi na bino ezo kola. Parce que ce qui n'a qu'aussi bino boza moussika 17 000 kilomètres na Corée. Mais comment expliquer n'a qu'aussi à peine à Coréen? Et si kada vraiment mitou na bino ba soupa milou, yézo, et pe sa bino ma canicité? Soupa milou, vraiment, yézo, pe sa bino ma canicité. Ke moutou o yo soit qu'aussi biso. Mais comment expliquer kuna na Corée pe ba azo kosa bango? C'est que nous avons vraiment Nzambe. Voilà, donc, mes chers amis, je vous remercie infiniment pour aujourd'hui. Et beaucoup zéla, batte belé balobi, nala kisa isika o na lobite ke meshe yamba yamba korepondre meshe yamba yamba pona sekirite ya batu na biso. Mais tokota la, on va discuter. Merci pour la confiance nabino, merci. Et bon dimanga yi po naza professeur te. Bon dimanga po naza congolais oyo nazala kana langue de boîte. Soki na moni ezala ozali membre famille nanga. Soko sali ma be jete denonce. Ezala ozali mwasi nanga. Soko sali ma be j'appelle la police. Voilà ndenge nga nazali. Alors, moto ko intimider ngati. Ne nous intimidez pas. Ne nous intimidez pas. Vous t'avez intimidé, vous êtes mboka les mboka. On se connaît dans le village. On se connaît. On se connaît. Ce qui n'a sala face na mboka mobimbo les mboka na ngati. Mboka kore bino ko na kobeta les solo jour mususu hein. Ba détail, qu'est-ce qui s'est passé? Na mboka kore, ba pesanga excite order na bima mboka 15 jours. Bima. Ozolo ba mingi. Na bina ko bima to. Na mboka na bino mena ko bima to. Ezala ki facilite. Ezala ki benda bika ngana bango. Benda bika. Moutou azo kritike biso. Moutou azo kritike biso. Mais par la suite, ils ont compris que ah, moutou alingi biso. Moutou oyo alingi biso. Lelo botala. Botala. Alors, mboka nanga o na uta makila nanga. Ngana yo moutou mwindu. Ngana yo tozo lia fufu ya na matamba. Yo ya kobangi sa mese yombe. Ah, wana vraiment, vous avez menti de. Wana vraiment botuna ki malamu te. Botuna ki biente. Ah, na loba kango, ngayi nako fer face na ba milvor nyoso ba tche mulongo. Sel, ba milvor nyoso bo tche mulongo. Vene. Parce que na ebite milvor nini ya woyago loba onobo ya intimidenga. Parce que somite ya ba somite na komi. Somite akotanga na komi. Somite misala honi na komi. Nazo tangisa, mindele, nazo tangisa. Et batebele, pardon, boli msanga, et loko wana, c'est très important. Batebele, bazolo ba, ça c'est, ba professeur, c'est le seul professeur au monde ou alo baka isika tangisa rate. Mais so bo kei na Google, bisika la tangisa kezale. Juste mauvaise volonté, bazo mona, mais bazo sa la semblant. Mais na ba video nanga, pourquoi na ningaro bate? Parce que na yebike ba milouvor, baza ma yele te akoluka. Bako ye bate, na yebi bango. Baza ba bofer nanga, to yebani, to balana. Bi yungu. Bola nda babangungu wana bakanza kate, baza bi yungu. Pourquoi? Parce que nazali nakobanga, nazana force physique te. Ah, peut-être nabunda ya nazaki na école primaire. Mais force physique nazana kote. Mikoloka anakomi kosa la taekwondo. Moi sentir pe yeye. Dans la force physique, vous voyez que les bandes qu'on a ils sont violents physiquement. Nos frères Louba sont violents physiquement. Bolanda qui m'a dit qu'il tenge. Il m'a promis, ce qui n'a qu'un Kinshasa, au lieu de faire un Kinshasa, tu as un investisseur de Kinshasa, au défendre ma camionnette, le bac à Bamilvor, au défendre. Non, bango bango lobby soit un Kinshasa, tu as un bêta. Pourquoi bêta n'a pas de problème? Non, tu as bêta n'a mis tout. Tobeta na namitu. Alors, pona ko éviter que boya ko mona nga mukolo msusu minu nyoso elongwe na munoko. Ifuna bomba esika. Vous savez, na tangi saka na Amérique. Mais na tika ko yebisa bino te université na tangi saka na Amérique. Na ko iko yebisa bino un exemple bato ba vandi na mboka Canada. Soki bo kei bo luki notre jeune frère comme on a JBS production. Avandi na mboko tawa. JBS. Botu na ye. Na kenda kako defa kamyo na ye po eza kamyo mnene. Po na kende kozwa ba livre. Na ngayi na utaki na ngokore. Na kende kocha na biro ya universite. Botu na ye universite. Wa universite ya bandoki. Batu ba milouvor ou ba yebi GBS. Ako yebi sabino? Aroye misabino, soki moutou atangi sarate. Mais comment kene ko loue voiture jeep ya mounene, pour ba livre kwa koko na voiture ou na salaki na ngote, na sengiye, na mona kiyo mkolo yaki na manifestation na université moko, ozalaki na jeep ya mounene, esko ko yiko def sanga, ba livre danga yeye na Montréal. Alors, il faut na kende na Montréal, na récupérer ba livre wana, pour na ya na mona université, na kende na mona université na ngai. Ndeko wana vandi na Canada, azali pe na ligne, ba milouvor ba yebie, milouvor ki est fou comme ça, ba benga ga yesu ki fourmi rouge. Baza ba camarade, na fourmi rouge wana. Alors, botou na jip yesu wana wa yeb sabino. Ba livre, monsieur Yombe, akende ko zwa na Montréal, akende ki na ngona ville songolo, akende ko tika ngona université, ou bien akende ko tika na université. Moutou atangi sakate, akende ko tika na ba livre université, amoni pe na porte université, ba komi professeur Yombe. Non, tolo bakate pourquoi? Parce que na yebi ke bandeko o bazali violent. Rovanda karaboye na université njokande na sima sima kuna université ou bien na ba reko bima bango bazo zera yo na ba marteau. Oye bate, voilà pourquoi to bombaka ba kombo ya université. To bombaka. Pour na sécurité na biso. Même les numéros de téléphone. Combien bayaka ba milouvor akosi yo na za milouvor te na za mutaba Congo. Kazari ya komi mutaba Kongo, ne Kongo. Ono kombo na kame meza kazari, menazam ne Kongo. Bon, eza pe Kongo, problem eza teza mboka na yo. Ono, naza na beza nimero ya telefone na yo, mama Kasavu, Justine Kasavu mutatindinga. Na benga mama Justine Kasavu, papa, na yebi yo toza ba ami na Facebook. So naza na bezwe na yo na wakontakte yo, na tindinga nga mutute. Me segar mai une semaine. Kwa selenga, mama Justine atindinga, pesa kwa nimero ya telefone. Pourquoi nimero ya telefone? Parce que, soki, na kore, soki mutayebi nimero ya telefone na yo, c'est facile ko retrace adresse na yo. Voilà le problème na bango. Ba yeba adresse. Alors, mais, ayez vos apaisements. Monsieur Yamba Yamba, apaisez-vous. Nazali professeur et ma collègue na yoba doctorant ezala naza faux professeur vrai professeur mais naza professeur ya ba collègue na yoba doctorant comprenez donc un peu du respect parce que naza muninga na yote naza muninga ba professeur na yo voilà donc mes chers amis pour na lelo en tout cas to silisi wana to silisi vraiment to silisi mais va to silisi pour na lelo. Et, bon, tika la malam. Bye bye.